bed. I'll bring you coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. You, even when we're ghosts, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me too. Moi j'ai passé un week-end de folie entre One Man, entre Mix, entre les enregistrements de La Foule à Poule que vous verrez bientôt sur bientôt vivement les vacances hein. Ouais. Mercredi sera un petit coup de vacances. Mercredi on part avec plein d'auditeurs au parc Astérix. On va se passer une journée, ça va être énorme. Bon, le matin, nous on commence par le code. Ouais, avec Julie. On passe le code, les gars. Autant vous dire que notre journée, ça démarre par une tanasse d'or. J'avoue, avec un examen. Et ton humeur dépendra de cette matinée. Bon, je la connais déjà, mon humeur. je vois déjà, parce que si c'est pour avoir 4 questions à la con de combien de points je perds. Ça va bien se passer. Ouais, on est dans les locaux de la poste, c'est ça, non? Bah oui, c'est dans du vu qu'on le passe à la poste. Oui, donc sinon, c'est. Oui, t'as raison. Oh là là là là. Bon, et donc, mais ensuite, mercredi après, on fait la fête. Mercredi soir, grosse émission en live avec Black M. On se fera quoi, un Facebook Live On se fera quoi, un Facebook Live, on peut, oui. Ah ouais, allez voir nos vidéos du Range ta chambre. Allez voir les vidéos qu'on a fait la semaine dernière. Allez voir l'interview, le magnifique interview et la séquence avec la petite qui était notre invitée vendredi. Avec Zara Larsson. Allez voir tout ça, c'est sur notre chaîne YouTube, Koé Officiel. Vous pouvez pas rater. Ce sera énorme. Vous allez voir dessus, il y a toutes les vidéos. Suivez-nous, abonnez-vous, c'est gratuit. On est abonnés, nous, alors vous pouvez le faire aussi. Depuis 4 jours. Mon équipe qui me suit depuis 7 ans vient absolument de s'abonner seulement maintenant. On attendait de te faire passer un cap. Ouais, bien sûr. Black M sera donc avec nous mercredi. Et on aura Tini qui sera là. Tini, ça va être un événement. Je suis un peu perdu là-dessus, mais. Tu vois qui c'est? Si, je vois. Tini, c'était Violetta. Ouais, c'est ça. Violetta, c'est Tini. Ah là, je vois bien que le mec au premier rang qui a les bras croisés, il a jamais vu Violetta de sa vie. Le mec qui me regarde, donc tu sais, Violetta. C'est qui Violetta? Par rapport à Jules, c'est qui? Par rapport à la coiffure à Jules, on est comment, Violetta? T'es plutôt Jules ou Violetta? Moi, plutôt Jules, je pense. C'est normal. Mais mec, il m'en même temps, il m'aurait dit. Je suis très Violetta. J'ai été Violetta pendant des années. Là maintenant, je suis sur Vampire. Il y a une autre série qui passe sur Canal, les trucs de Disney. Là. C'est un truc de vampire. Pas du tout, moi. Quelqu'un connaît ou pas? Comment ça s'appelle? Ah, les filles, elles s'en font. Ah là, c'est quoi? C'est un truc latino, c'est? C'est Chica Vampiro, c'est. Chica Vampiro, c'est il se mord. J'ai déjà vu, hein. Mais gentiment. Chica. il arrive, il te mord, il fait hey, pas des sales, ça. C'est t'as de la morsure, mais cool. Vraiment, t'en veux pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le sosie de Cool Chain. Oh non. Ah si, il y a quelque chose. C'est la même tête. Si, bah, si, un c'est, peu, la, ouais. C'est la tête de Coolchen avec la coiffure de Jules. C'est ça. Ouais. Il a appelé. Ça pas du tout à Coolchen. Excusez-moi, l'autre fois, on m'a traité quand j'ai trouvé un sosie. Là, il est pourri. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? On m'a traité quand j'avais trouvé le sosie de Mathieu Delormeau, mais là, il ressemble pas du tout. Guéguette, t'as le droit de te venger. Quel poucave. Mais c'est, il est pourri ton sosie. Je suis d'accord, il est pourri. Ceci dit, non, il a pas totalement tort. Ah non, c'est le mec d'à côté. C'est le but du jeu. C'est vrai, t'es pas non plus. Tu vas pas le croiser dans la rue en disant oh putain, Coolchen. Non. Effectivement, il n'a pas totalement tort. Les Fifth Harmony seront avec nous. On va organiser un moment avec les Fifth Harmony qui seront nos invités cette semaine. Ne ratez pas, hein, 19h, 22h, tous les soirs, ça va être une vraie tuerie cette émission. Est-ce qu'on commence par la photo événement de Charlie XCX? Ouais. Vous vous souvenez de Charlie XCX? Elle en a fait plusieurs en plus. Qu'est-ce qu'elle chantait, Charlie XCX? Ah putain, break the rule. Voilà. On l'a reçu plusieurs fois. Ouais. Et ben, I can't break the rule. Elle a publié une photo d'elle sur son Instagram. Elle revient en fait. Sur un gros pouf argenté où elle a une cagoule. Ouais. Et elle est à poil. Bon, c'est bien fait parce qu'on voit rien. Attention, hein, c'est tout est croisé, la main est devant les seins. C'est très moche, on peut se le dire ou pas? Ah bon, alors là, je trouve super dur. Alors, j'ai mis la photo, excusez-moi, ah les amis. Non, elle est bien. Ça super moche, ah ça va. Arrêtez, dites la vérité. Alors, je la trouve chouette, hein. Elle est bien cette photo. Arrêtez, elle est jolie. Elle est pas très jolie. Ah, elle est jolie. Bah, on la voit pas, elle a une cagoule. Ouais, mais c'est pas très beau, je trouve. La chambre derrière, c'est dégoûtant. Bon, c'est pas rangé. Est-ce que tu crois que les mecs. Ah bah alors là, justement. Oui, regarde, c'est si, elle a pas les jolis pieds. C'est la deuxième étape. Oui, bah on va pas se couper les pieds pour une photo Instagram. Il n'y a pas de filtre pied. Bah je la trouve pas très jolie. Bon, et bien justement, c'est ce que je voulais dire. C'est que moi, pour la photo du corps, je m'en fous. Ouais. Toutes les femmes. Je suis comme Franck Michael. Toutes les femmes sont belles. Voilà. Voilà. Et à un moment donné, dédicace. C'est ça, love forever. Mais. Il y a des trucs par terre et tout. Mais, par contre, je voudrais qu'elle s'inscrive au range ta chambre. Ça, c'est parce que là, les merdes qui traînent dans le fond, là. T'as ça, vu c'est, ça, mais même la housse de côte, elle est dégoûtante. Non, regarde les vieux de meubles. Ouais, moi, je suis prêt à faire un range ta chambre si elle est habillée comme ça. Hein. Par contre, ça va. Les amis, excusez-nous, on va se dire un truc, c'est la vérité. Indépendamment de l'artiste, Charlie XCX, quand elle est venue, ça sent pas le petit dope. Hein. Non. Pardon, mais ça sent un peu l'artiste grunge quand même. Tu poses pas ça sur les réseaux sociaux, sachant que t'es suivi par des milliers de personnes. Mais si, mais c'est naturel, elle va pas. Il y en a ras le bol des Kim Kardashian avec des bijoux à 10 millions d'euros là. Ah, vous avez vu l'affaire, c'est joli. Vous avez vu l'affaire chelou que ça prend la tournure de Kim Kardashian? Elle aurait balancé Il y a une vidéo qui est sortie ou qui a été filmée chez elle où elle est pas du tout en panique, elle est à la cool en train de faire un FaceTime, qu'en fait elle aurait tout organisé pour faire un gros coup de buzz et tout machin. Ouais. Quand même, moi je suis pas un spécialiste de la police. Mais l'histoire qu'on te raconte sur BFM Télé à 7h du mat, où les journalistes, attention, ils te racontent l'histoire, ils sourcillent pas. Hein. Ouais, où les mecs te disent que les voleurs sont arrivés en Vélib et ils sont repartis en Vélib. Moi, je veux bien ce qu'on veut. On peut avoir les voleurs les plus écolos du monde. Hein. Mais à un moment donné, des mecs qui repartent en Vélib, faut être sûr de soi quand même. Hein. Faut que la carte elle marche. Ah, il y a quelqu'un qui attend, ils attendent derrière. Ouais, ils attendaient. Les flics commencent à arriver, vous faites quoi? On attend un Vélib. On attend Vélib parce que c'est pas libre. C'est que les bijoux qui dépassent partout, on attend. Et les flics disent, vous allez perdre votre bijou. Vraiment, on est désolé. Juliette, la journée c'était comment ma chérie? Bienvenue. Bonjour, c'était une journée merde. Pardon, excuse-moi. Bonjour Juliette. Tu sens que c'était une journée merde. Bonjour Juliette, bienvenue dans ce début d'émission. À entendre ma voix, ma journée c'était de la merde. Qu'est-ce qui s'est passé Juliette? Bah rien, depuis ce matin rien va. Le boulot c'était de la merde. Oh. Je me suis fait larguer par SMS. Ah, mais non. Quand je suis rentrée chez moi, il était parti. Au moins, on peut pas dire que c'est un mec qui manque ses engagements. Le mec qui te le dit, il le fait. Hein. C'est ça. Oh, tu vas pleurer. Il a qu'une parole. Non, mais j'ai assez pleuré aujourd'hui. Mais je vais vous dire un truc. Hey, tu veux que je te dise un truc? Vous avez l'impression que des fois, les gens ils se bloquent sur le j'ai été largué par SMS. Excusez-moi, mais largué par SMS, largué au restaurant, largué devant un verre, largué avec une fanfare et une trompette. T'es largué. Il y a un moment donné, ça ne change rien. Non, t'es largué. C'est pas pareil. Mais même que je vous dise un truc. Être honnête, tu vois, face à face. Je préfère par SMS. Mais oui, parce que vous avez pas de couilles. C'est parce qu'une fois qu'elle t'a dit ça, tu dis bon, bah d'accord, en face, tu perds ta dignité, tu vas être là. Non mais on peut réparer les pots bébé. Justement, au moins t'es honnête, tu dis les choses en face à face. Non mais par SMS c'est pratique, tu mets un petit smiley derrière. Ouais. Arrêtez, c'est la moindre des choses. Tu envoies smiley crotte avec les yeux. Voilà. Voilà. Quand t'as passé du temps avec la personne, c'est la moindre des choses de lui dire en face. Ouais, tu passes du temps par SMS, voilà. Tu fais un FaceTime au pire. Ouais. Non, avec un an, tu le fais avec un filtre Snapchat. Voilà. Avec la tête de chien là, tu dis, ou des gros yeux, tu dis bon, je vais te larguer. Comme ça, elle sourit, elle pleure en même temps. Ça va aller ma Juliette, tu vas en trouver plein d'autres ma chérie, d'accord? T'inquiète pas. Ouais, bah, bon, surtout qu'on avait un enfant en commun, quoi. Ah oui, c'est pas la même, là. Ah ouais, mais oui, mais enfin, les amis, excusez-moi, il y a plein de gens qui se séparent et qui ont des enfants. Oui. Juliette, ça va aller, ma chérie. Tu sais ce qu'on dit, un de perdu, week-end tout seul. Promis. Oh, baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, it's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray. And that's why I need one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold of me. Baby, I like your style. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas yo no sé. De dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted. Quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un maní el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura que we win. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. I need one dance, yeah. One more time before I go. Higher powers taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. Chut, hey Corey, il faut que je te dise un truc. T'es mon bijou. Cœur sur toi, cœur. Smiley qui rougit. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Cœur sur toi aussi, smiley, smiley. Est-ce que tout à l'heure on se dit qu'on se fait un super jeu? Oui. Est-ce qu'on aura un tribunal populaire contre quelqu'un de l'équipe qui va morfler? Oui. Est-ce qu'on aura un qui veut épouser un membre de l'équipe? Oui. Est-ce qu'on aura une petite annonce de merde? Oui. Est-ce qu'on aura une augmentation? Non. Oui. Non. Est-ce qu'on aura une revanche de blind test, machin et tout ou pas? Ah oui, on la remet en jeu, hein, les ah bah gars. Oui, hey, oh. Et on rigole. Pourquoi? Pas. Pour, et pas de réponse. T'as triché. On peut tricherie. Et tu pars avec un handicap. Je vais vous dire un truc, les amis. Je n'ai pas triché. Je voulais que je vous dise un truc. L'écran était resté allumé. Non, mais c'est simple, tu vas te venir à côté de moi aujourd'hui. Ce qui n'a rien à voir. On n'entend rien là-bas dans les mains. Mais si, on est tous à la même enseigne dans le casque. Tu sais ce qu'on fera? On fera un truc simple. On déposera un tas de téléphones portables. Non, mais je veux pas qu'il y ait l'instinqué. On déposera les piges. Vous m'éteindrez l'écran. Vous me mettrez quelqu'un du machin. Vous m'enlèverez le micro du réalisateur. Ok? Et surtout, tu pars avec moins un point. C'est ça aussi. T'as triché. C'est la sanction. Faut que tu partes avec un handicap. Bah regarde physiquement déjà. Ouais déjà. Mais parce que là-bas c'était moins 2. Bah, mais du coup on t'a rattrapé. T'as que moins 1. C'est une traction. On fait un gros bisou à Benjamin. Ça va Benjamin? C'est le coup. C'est le tout d'équipe. T'es mon bisou. Mon bisou. Benjamin, tout va bien? Oui allô. Oui allô. Allô. Eh oui hey, monsieur. Non arrête de mentir bon. C'est son fils. Benjamin, t'habites où? Attendez parce que j'ai un téléphone de merde. Ah ouais bah c'est Daniel, c'est Daniel non, Junior. Non, j'appelle Jean-Marie. Ah oui, t'as un téléphone de merde, c'est compliqué. Tu fais quoi dans la vie? Bon, je fais plus rien du tout. Je suis en recherche d'emploi, on va dire. Ah bon, on va t'aider. Tu cherches dans quoi? Avant qu'on parle d'un truc, tu cherches dans quoi? On va dire que j'aimerais bosser de la radio, mais je travaille encore sur ça, sur mon langage, sur mon... Sur mon langage. Alors, je vais Daniel. Non, c'est pas Daniel, c'est pas Benjamin. Benjamin, la radio, c'est peut-être pas directement ce que je t'aurais donné tout de suite. Il y a peut-être d'autres métiers que la radio. Tu veux vraiment faire de la radio? Oui, je vais vraiment faire de la radio. Mais tu veux faire quoi à la radio? Animateur. Animateur? D'accord. Ah, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, t'habites où? J'habite dans l'Aveyron. Ah voilà, Radio Aveyron. Ça doit exister. Ça existe, Radio Aveyron? Je sais pas. Alors, alors de l'apéro. Oh merde, t'es exactement le même. T'as entendu comment il nous a fait ça? C'est le même. Bon, tu nous as pas appelé pour ça. Raconte-nous. Non, alors, je vous appelle. Pardon. Non. Non. On t'écoute. Moi, j'ai rencontré une fille en fait à mon club de théâtre. Mais t'es rêveur, j'ai rencontré une fille à mon club de théâtre et je sais pas en fait comment lui dire que je voilà quoi, que j'ai des sentiments pour elle. Non, sinon ça va. Tu sais pas comment lui dire que t'as des sentiments pour elle. Alors, tu la connais depuis longtemps cette fille ou pas? Il vient de la rencontrer au cours de théâtre. Ah, non, mais enfin, pardon, excuse-moi, Benjamin, Julie. J'étais prise dans le Daniel, en fait. Julie, quand un mec t'appelle pour dire « Allô, bonjour, j'ai rencontré une fille à mon cours de théâtre il y a une semaine et tout. » Et qu'ensuite, il a à peine fini son truc, tu fais « Tu l'as rencontré où ?» Julie, c'est sérieux? Parce que je te regardais faire les trucs de Daniel, j'écoutais pas. Ah, tu mais non, mais incroyable. J'avoue, j'écoutais. Mais des fois, je pense qu'elle écoute autre chose. Je pense qu'elle est, tu devrais partir à moins un aussi pour le blind test. Eh, moins un pour le blind test. Ah non, allez, Benjamin. N'écoute pas l'émission, moins un. Ok, ça va. Bon, Benjamin, déjà, physiquement, vous êtes comment tous les deux? Est-ce que vous êtes à raccord ou est-ce qu'il y a une échelle monstrueuse entre vous deux? Non, c'est super important. Non, mais il a pas tort. C'est la nana. Franchement, c'est la... on s'entend bien, on s'amuse tous les deux, on se taquine. Donc, Oui, mais moi, je me taquine piètre, mais je sors pas avec, tu vois ce que je veux dire? Vous envoyez des petits SMS, des choses comme ça? Je suis taquiné avec... Non, parce que j'ai pas son numéro, malheureusement. Ah oui, ça démarre pas bien. Mais, mais Pietre avait raison. Est-ce qu'elle est, par exemple, très jolie, et toi... Ou l'inverse. Ou l'inverse, peut-être. Mais si c'est l'inverse, elle dirait oui. Ou alors, vous êtes très beaux tous les deux. Oh, j'ai un élément de réponse. C'était une question, là, Benjamin. T'en sais rien du tout. Mais t'en sais rien du tout de quoi, si elle est jolie? On n'a pas une photo de Benjamin? Non, mais elle, oui. Non, mais elle est jolie, mais moi, je sais pas. Ah, à quoi tu ressembles? Non, en fait, je me considère pas comme jolie, tu vois. Bon. Je me considère pas comme beau, quoi, tu vois. Bon, c'est pas grave, pas grave. On peut faire plein de trucs en n'étant pas très beau. Oui, oui. Mais est-ce que tu sens que, à part déconner, il y a un petit... Oh, ton téléphone, c'est vraiment de la merde, mec. Hein. Oui. Est-ce que tu penses que malgré deux déconnes... C'est dès que tu parles, en fait. Des siffles. Est-ce que tu penses qu'entre deux déconnes, quand même, elle te regarde un peu avec les yeux de pourquoi pas? J'ai l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression. Est-ce que vous avez joué contre, un tour par contre, il faudra pas que tu montes le volume comme ça quand tu boiras un verre avec elle. Hein. J'ai l'impression. Parce que sinon, elle va trouver ça bizarre. Hein. Ouais, Gégat, il avait raison. Ouais. Est-ce que vous avez fait jouer un couple? Une scène avec un baiser? Mais oui, ou au théâtre, approchement. C'est le moment. Ouais. Ok, t'auras pas de réponse. Merci beaucoup. Vous avez joué une scène et ça s'est bien passé? Oui, ça se passe bien, mais... Et quoi? En fait, je sais pas. Je sais pas si je sais pas si elle a des sentiments pour moi. Et le problème, c'est que je la connais quand même depuis au moins 3. Ça fait 4-5 mois. Un bon début d'émission. Et donc, je la connais depuis 4-5 mois. Et le problème, c'est que je sais Alors, pas quoi. Écoute-moi, mon copain. Je sais pas quoi si faire. Tu la connais depuis 5 mois. Et qu'au bout de 5 mois, tu n'as toujours pas son numéro de téléphone. Il y a un moment, ça me paraît compliqué. Ouais, mais s'il n'ose pas l'avoir et lui demander. Ouais, mais à un moment donné, si la nana elle est un tout petit peu intéressée pour un lien d'amitié plus, elle aurait dit tiens, appelle-moi, on va s'envoyer des textos. Mais s'il est timide et qu'il ne se fait pas remarquer, elle ne fera pas attention à lui. Est-ce que tu lui as proposé d'aller boire un verre ou un truc comme ça à la fin? Verre, le texto, à la fin, tu t'entraînes, tu joues au théâtre et tout ça. Après, tu dis ah, on va se boire un verre. C'est dans la suite des choses. Après le théâtre, tu lui dis on va boire un verre. Pour répéter. Ouais, grave, pour répéter la scène. Ou pas, mais. Vas-y, imagine, Julie, c'est la nana, c'est la sortie du cours de théâtre, tu dois lui proposer d'aller boire un verre, vas-y. Non, finalement, je crois que je vais aller l'inviter quand même à boire un verre, parce que là, avec Julie, non merci. Le râteau du siècle. T'es sympa toi! Fantastique! Ah bah merci, je te plais pas ou quoi? Je rigole, Julie. Mais non, merci. Il est marrant! Mais oui, en plus, t'es marrant, t'as de l'humour. Donc t'es rigolo. Ça peut marcher. Voilà, tu peux essayer, vas-y. Ne mise pas sur ton charme, mise sur les vannes. Moi, je dis fonce. Et moi, bon, après, attends-toi à peut-être prendre un râteau. Hein. Et dis-toi que c'est l'histoire de ma vie. Alors, moi, j'ai ouvert un Gardena. Mais c'est pas parce que tu t'auras pris un râteau qu'il faudra la tuer derrière. Hein. Non. Moi, je regarderai crime quand même. Voilà. Ok. D'accord, je range donc le couteau. Non. Je te fais un gros bisou. Oui, quoi? Ah, par contre, ce bruit-là, attends, le bruit que tu viens de nous faire, parce que tu vas boire un verre avec elle, t'as pas le droit de faire. Ok, quoi, non. Ça va, quoi. Quoi, pour avoir un peu faire dédicacer. Oui, ils arrivent fin de semaine. Là, fin de semaine, ça fait jamais que deux mois qu'on me dit qu'ils arrivent fin de semaine. Non, vraiment, là. Donc, fin de semaine, c'est bon. Je sais. Merci. Voilà. Salut, hey, tu nous tiens au courant. Hein. Ah ouais, on veut savoir comment ça s'est. Et invite-la, hein, vraiment. Hein. Il n'y a pas de problème, oui, je vais le faire. Je vais le faire. Et tu nous tiens au courant surtout. Ouais. Bisous, à bientôt. Merci. Salut Benjamin. Salut. Allez, tout de suite, j'ai envie de louer une planche à voile. Ah ouais. Allez les gars, mangez des huîtres. Elle a combien la planche là? Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme en vent, le cœur et le fond. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie. Être vivant, énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. C'est pas pour ça. Pour être vivant, ah, les couilles d'éléphant. Non, ça n'a rien à voir. Tu les vois les deux en train de chanter ça. Dans un instant, quelqu'un de cette équipe va passer au tribunal populaire. Vous venez de nous rejoindre, vous venez de nous découvrir. C'est bien, si jamais que la 7ème saison, dans un instant, vous saurez ce que c'est que le tribunal populaire. Vous connaissez tous les nommés. Ils ont maintenant besoin de vos votes. Hey, it's 21 Pilots on Energy. This is Lady Gaga. C'est David Guetta. Hi, this is Coldplay. C'est Maître Gims. This is Charlie Puth. C'est Louane. Now, votez pour les Energy. Music Awards. Ça va être un truc de dingue. Votez maintenant sur Energy.fr. Oui, pour moi. Non. Pour nous. Le Crédit Mutuel donne le la au Energy Music Awards 2016, le 12 novembre. Direct de Cannes sur TF1 et Énergie. Hit music only. Tout de suite, avec Intermarché sur Énergie, on reçoit un invité surprise. Salut, c'est Olivier Dion. Je suis d'Artagnan dans le spectacle musical Les Trois Mousquetaires. Et c'est au Palais des Sports de Paris. Oui, c'est l'endroit idéal pour ce spectacle à la fois musical et pleine aventure. Super, merci Olivier. Et à très vite dans les magasins Intermarché pour l'anniversaire des Mousquetaires, plus que jamais unis contre la vie chère.

merci d'être avec nous. L'événement cette semaine, si vous étiez fan de Violetta, elle va être notre invitée maintenant. Elle s'appelle Tini, changement de nom. Ouais, elle va venir dans nos locaux. C'est comme si moi, d'un jour, je lui dis tiens, j'arrête Coé, je m'appelle Arthur. Ouais, je prends un prénom au hasard et je m'appelle Arthur. Arthur. Ah, mais j'ai pris au hasard, hein. Ouais. Fifth Harmony seront là. Mais pour l'instant, alors que moi, mercredi, je suis comme un ouf parce que j'ai hâte de faire l'émission au Parc Astérix avec Black M. Je veux que d'ores et déjà on appelle Black M. Prévenez-le, hein. Pourquoi? Dis-nous. Celle-là, il la chante deux fois. Vous allez le prévenir. Il a déjà deux titres de prévenir. Non, mais j'en ai rien à foutre, ça fera trois. Ok. Je vous le dis tout de suite, je veux pas qu'il donne tout sur la première chanson parce que celle-là, il mais la fera deux fois. Mais alors, tu t'entraînes aussi pour le faire avec lui. Mais attends, mais. Hey, non. Tu feras les hauts, toi. Ouais. Mais non, mais j'adore ce truc-là. Askin, champion de show. Ouais, faut que je l'apprenne, ouais, ça va. Le coup de la version rap, comme c'est bien, j'adore. Hey. Commencez, je vous emmerde tous. J'ai commencé, je finirai tout seul. Il faut j'aime bien. Bienvenue dans mon monde. Ça va dire Babochko. Hein. Et Madame Babochko. Il y a quelque chose. Ah ouais. Grave. Qui s'est fait éclabousser. À peine arrivé, on te dit allez, ouste. Madame Babochko. Non, je suis pas en prison. C'est plus rapide. Non, mais c'est vachement bien. J'adore moi ce type de Black M. Bon, pour l'instant, tribunal populaire. Bonsoir Pietre. Ah putain. Pourquoi perdre du temps avec un faux suspense? Oui, de toute façon on l'avait dit vendredi. S'il y en a un qui a mis une semaine à nous rendre ouf, à faire interrompre l'émission. Quand même le mec fait interrompre la première. C'est vous qui l'interrompiez. Avec ce bruit qui a rendu ouf tout le monde. Voilà, c'était léger, c'était discret. Ouais, c'est ça. Une petite sonnerie. Et là on parlait, on était en train de parler, puis ça faisait... Mais d'où ça vient? Il y a un bruit alors le public. Et en plus il accusait psycho au fond et tout. Au début on a accusé les gens ici, après on a commencé à regarder le public. On a dit oh les gars oh. On a commencé, mais moi j'ai commencé à douter hein, machin. Et ce con savait que c'était lui. Il a regardé tout le monde avec un sourire. Mais je savais parce que je peux rien y faire en fait. Ça va continuer. Tu peux rien y faire. Bien sûr que ça se coupe une sonnerie. C'est en plus les mails. Notifs de météo. Non, c'est tout. C'est les notifications que j'arrive pas à virer. Les mails, je les ai virés, les notifications. C'est les notifications à la con que j'arrive pas à virer. En fait, il te prévient qu'il va brûler dans ta poche. Il te prévient que la batterie va. C'est un bruit qui rend ouf. Mais croyez-moi que j'en suis désolé. On va appeler quelqu'un. Appelle-moi une Nathalie en France qui va devenir le membre du tribunal populaire. Ça va te plaire. Oh, faites chier. Petite sonnette de cycliste, là, regarde. Si on dirait les petits trucs qu'on a sur les vélos. Ouais. Laissez-moi passer, madame. Les bobos, le débobo le dimanche dans Paris. Sur les vélibs. C'est joli. Anne-Sophie, Bernadette, suivez-nous. Oui, allô. Allô. Bonjour, Nathalie, comment allez-vous? Je m'appelle Coé, nous sommes sur Énergie. Est-ce que je vous dérange? C'est une blague? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, voilà, si je vous avais fait une blague, j'en ai même pas. Vous voyez, j'aurais fait un truc plus drôle. Ouais. J'aurais dit c'est un gars qui rentre dans un café et plouf. Ouais. Bon, voilà, courte, efficace, pas cul. Mais... C'est ça, forever. Mais comment vous avez mon numéro? Alors, un truc de dingue, on a regardé sur Internet. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça se fait encore l'annuaire, ça existe? Oui, sur les. Je pense que ça sert à caler les meubles, ouais, en fait. C'est ça. Bon, Nathalie, je vous dérange une seconde, Nathalie. Je vous présente Pietre. Une seconde. Pietre oui. fait. Bonjour, Nathalie, j'adore Pietre, votre voix. Pietre fait partie de l'équipe. Et Pietre est quelqu'un qui a son micro allumé et qui, depuis une semaine, laisse son téléphone faire des bruits. Comme ce petit faire bruit. Faire des bruits oui. Ce petit bruit discret, là. On l'entend après. Il est discret, mais il est en permanence et il nous rend fou. Et il a accusé tout le monde sans dire que c'était lui. On l'a découvert vendredi. Ouais. Alors, pour la peine. Oui, ah ben, oui, je vous écoute. Pour la peine, Nathalie. D'abord, Pietre, explique-toi. Mais j'y peux rien, en fait. C'est un Galaxy Note 7 qui, celui-là, n'explose pas, mais il fait des petits bruits. Et on peut rien y faire. Donc, plaignez-vous à Samsung, pas à moi. C'est un bug. C'est ça que tu t'expliques auprès de Nathalie. C'est genre même pas. C'est n'importe quoi. Bah non, mais c'est pour prouver que je n'y suis pour rien. Si tu y es pour quelque chose, tu vas dans tes réglages, tu l'enlèves. Et même si tu mets en silencieux, t'as Nathalie. Même en silencieux. C'est un bug. Ils l'ont dit sur BFM TV. Ils l'ont dit. Il y a deux problèmes avec Samsung. Il y a les 7 là qui explosent et les 6 Edge là qui font ça. Donc je n'y suis pour rien. Appelez le siège de Samsung et voyez avec eux. Pietre. Ouais. Merci. D'accord. Pour cela, puisqu'il a sa petite sonnette de cycliste. C'est vous qui allez décider de la sentence, Nathalie. Vous êtes le jury. Pour ce chef d'accusation, Pietre risque, puisqu'il a une petite sonnette de vélo, risque de 1 à 3 éléments de cycliste à garder sur lui pendant toute l'émission. Quoi ? C'est-à-dire combinaison, bandeau, casque. Ah, mais c'est des. T'as déjà vu. Ah non, mais c'est dégueulasse. Oh non, j'étais en gonzesse déjà l'autre fois. Et c'est le petit short cycliste avec les bretelles là, moulant. Nathalie, vous avez c'est horrible. Je vais aller au maximum. Bravo Nathalie. Grâce à vous, cette émission sera bien tenue. C'est dégueulasse. Ça va être simple avec le casque et le Je vous embrasse, audio. Nathalie. Gros bisous. Une bonne soirée. Ouais, bonsoir. C'est ça. Ouais, merci, c'est Nathalie. Ça. Ouais, mignonne, ouais, machin. Ouais, c'est mignonne. Une Allez, va te changer. Allez, va te changer, toi. Regarde le casque, il est là. On a le petit cycliste ou pas? Bien sûr. Oh, mec. Vous savez qu'il faut que je m'achète un truc comme ça parce que je fais du VTT le matin. Et en fait, maintenant le VTT, tu fais du VTT, ouais, toi. Parce que le VTT, on a les gens qui font du VTT le savent. C'est très joli dans un garage, mais dès que tu montes dessus, on a mal au cul. Ouais. Tu peux faire ce que tu veux, ça fait mal au cul. Ah, et ça, c'est et rembourré. Il faut acheter les trucs qui sont rembourrés parce que pour les hommes, c'est super mauvais. On peut se faire très très mal aux testicules. Tu peux te faire une troisième couille. On peut se. Non, mais tu peux avoir un gros problème. Je te promets que c'est vrai. J'ai un pote qui fait du VTT et il a eu ce syndrome. Et donc, il faut ces trucs-là. Et puis, il faut. Bon, transpire pas trop dedans, je vais peut-être le piquer après. Donc, ouais. Va t'habiller, ouais. Va te changer. Pietre, dans un instant, passera donc toute l'émission avec la totale. Le casque de cycliste et tout. Il est un peu dégueu. Vous faites la totale en ce moment. Ouais, c'est vrai, j'avoue, tu prends un peu cher. Et en même temps, ça nous fait tellement plaisir. Oui. Hey, tellement un bon public. Voici Richard Orlansky et Eva Simon sur Energy. Bonjour, c'est lundi. Where is all this going? I don't wanna hold back. I don't wanna let you in. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. Faire le super jeu. Dans ta gueule et moi, ma mère, ça peut être pas loin, ouais. Je sais qu'elle se fait sauter au café. Koé, 19h-22h, sur Énergie. Alors, les micros, les amis, les micros, pourquoi les gens, ils applaudissent et tout, d'un seul coup, oh, on les entend pas. Le micro, ça va le public? Je demande un tonnerre d'applaudissements comme un mec qui accueillerait le vainqueur du Tour de France. Bon, et là, il n'a pas le vélo, hein. Il est à pied. Voici Pietre. Ouais. Bravo. Ah. C'est ridicule. Merci, viens, je te fais une photo. Ah, putain. Viens, je te fais en photo, viens, je te prends en photo. Oh là là, tu dois avoir bien l'air con là. Ouais. Attends, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Tu l'as chiné la petite maquilleuse la dernière fois? Je l'ai eu. Elle était mignonne, hein? Elle était très jolie. Bon, elle avait un mec, hein, quand même, hein, je crois qu'elle était. Hein. Et puis, il y en a notre stagiaire qui est à fond dessus, là. Non, mais toi, t'étais à fond. Mika, à mon avis, il a dû avoir les crocs pendant tout le long. C'est vrai que c'est le genre de Mika. La nana, je pense que quand elle est venue dans l'émission, elle s'est sentie comme un petit agneau qu'on faisait rentrer aux autres Vincennes dans les chez les lions. Avec les lions, ouais. C'est, elle s'est sentie, à mon avis, un petit peu frêle. Bah, j'espère qu'elle me voit pas aujourd'hui, c'est tout ce que je souhaite. Ah, Loris, il lui a demandé le numéro de son mec. Ouais. Ouais, c'est vrai, Loris, il faudrait que t'arrêtes ça aussi de demander le numéro des mecs. Hein. Bon, on a le temps de faire quoi, Julie? Il fait stockos avec cette combinaison. Ouais, il a les pecs, hein. Ouais, plus de 5 toi, chérie. En même temps, qui n'a pas plus de 5 Julie? Donc. Merci, c'est gentil, je te fais un compliment, je me prends une belle. Ils sont comment tes seins? Comment c'est, ils sont comment mes seins? On n'en parle jamais. Tu les as déjà vus? Ah bon? Bah oui, une fois, tu m'avais piqué une photo dans mon téléphone où je suis en maillot de bain. À la plage, on l'avait vu. Ah ouais, ouais, même une fois, t'as fait. Il y a 10 ans, tu me diras. Ouais, bon, ils n'ont pas poussé beaucoup, hein. Non, ils n'ont pas poussé. Ils sont tombés un peu. Quand est-ce que tu les changes? Quand est-ce que tu mets le modèle au-dessus? C'est que maintenant, tu sais. Pimp My Boobs. C'est comme le mec, c'est le mec de chez Carglass qui te fait ça, il t'injecte de la résine là-dedans. Mais c'est pour que ce soit loupé. Il te change les essuie-glaces, c'est des boches. On ferait pas un plan, tu sais, où sur internet, les gens, ils donnent un petit peu d'argent. Et après, tout le monde aura le droit de faire un poète. On va faire un litchi. Voilà, mais si, 1 euro par auditeur. Ah bah là, c'est bien. Bah là, je peux peux faire du 125F. Je te mets 23 nichons. Avec, ça te plairait pas? Mais j'ai peur que ce soit loupé. Et on fait tatouer sur le côté offert par les auditeurs de l'émission. Ah ouais. Non, arrête, c'est horrible. T'as peur que ce soit loupé quoi? J'ai peur, j'ai préféré garder mes petits seins beaux que d'avoir des gros seins chums. Arrête tes conneries, il y a plein de nanas qui font refaire des seins, c'est très joli. Arrête, je vous ai vu là dans les 35 heures la semaine dernière, la meuf qui avait les gros seins là. Oui, mais ça, c'est horrible. C'est horrible parce que c'est pas bien fait, parce que c'est pas élégant. Ça tient comme ça. C'était la sœur d'époque d'Anoff, hein, pour le coup. Complètement. Incroyable. Hein. Ouais. Chum de ouf. Ça méritait un blou-blou quand même. Ouais, hein, ouais, mais tu peux même pas faire blou-blou. Tu te prends des... C'est dur, à mon avis. On peut faire un bisou à. Oui, c'est à la raison. À mon avis, c'est très, très dur. Ouais. Là, on fait un bisou à Tatiana. Tatiana. Oui. Comment ça va, Tatiana? Ça va et vous? Bonjour, l'équipe. Bisous, moi, je suis. Regardez comme elle est belle. J'ai une photo de Tatiana. Ah oui, mignonne. Elle est mignonne comme tout. Ouais, Tatiana. Je suis venue déjà 3 fois à l'émission avec Tal, avec Alvaro, et là, j'y étais mercredi. Oui, arrête de venir maintenant, s'il te plaît. Hein. Attention, c'est pas. C'est moi avec le pyjama Stitch. Ah merde, ah, ouais. Ah oui d'accord. Ah oui, ah oui, alors elle est belle, mais avec des goûts de merde quand même. Hein. Bon, il est où ce pyjama Stitch? On a des nouvelles? Ah oui, il est toujours chez moi. D'accord, bah oui, c'est collector, ça ne se jette pas. Voici le qui veut épouser un membre de l'équipe. Tu vas appeler maman pour lui dire que tu es avec qui? Avec Guéguette. Ah, t'as quel âge? C'est 16 ans. Tout le temps, ça m'arrive tout le temps. Ah bah oui, mais j'ai plus jeune. Ah mais je vais aller en prison. Je pense qu'un jour, tu peux aller en prison potentiellement, c'est possible. Hein. Donc tu vas appeler ta mère, tu vas lui dire que t'es avec Guéguette. Guéguette, mais t'es pas vieux en même temps, Guéguette. Bah, je vais avoir 30 ans quand même. Ouais, mais il fait pas son âge. Ouais, mais t'as toujours pas de barbe, mec. On dirait qu'il a 20 piges, Guéguette. Attendez, excusez-moi. Tu vas avoir 30 ans. Bah ouais, enfin j'ai 29 là, mais voilà. Ah ouais? Il est rentré dans cette émission, t'avais 23 ans? Ouais. Merde! Ouais, c'est chaud, hein. Moi, j'en avais quoi? 29? 29, et on l'a aujourd'hui, du coup, j'en ai 29. Attends, je compte, ça fait 29. Je suis dans ma 29e année, ouais, 29. Et moi, j'ai 25 ans, moi. Quel âge? 25 ans. Et donc, toi, ça fait 25, 30, 35, 40, 45. Ça fait 60, ouais, c'est ça. Attends, je comprends rien, t'avais 25 ans quand? Quand on est arrivé ici? Mais non, t'avais déjà 40 ans. T'as 25 ans, mais en âge mytho. Non, j'avais 25 ans. T'es sérieuse? Oui, j'en ai 32 aujourd'hui. Oh, la gueule, chaud. Ah, la daronne, la mif. Oh là là là là. Et on parle de Loris qui lui était au collège. Il arrivait avec 15 ans. 8 ans. Ah là là. Et lui, il nous écoutait au collège. Bon, quoi. On va arrêter d'en parler, ça vous dérange pas? On va arrêter tout ça. Tatiana, appelle maman, dis-lui que t'es avec Guéguette et ensuite Guéguette sera le mec le plus gros con du monde. Mmh. D'accord? Tu d'accord. Dis qu'il a 30 balais, vas-y, gagne du temps. Mmh. Ok. Dites avec un vieux. Oh, putain. Allez. On y va. Allô? Allô, maman? Oui. Je suis chez le coiffeur, chérie. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais j'ai un truc important à te dire. De quoi? Voilà, dis-moi vite parce que je suis dehors. J'ai plein de couleurs sur ma tête là, alors les gens ils se moquent de moi. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Tu voyais depuis quelques temps que j'étais un peu bizarre. Bah, de toute façon, t'es tout le temps bizarre, ma fille. Oui, mais tu voyais un peu que j'avais la tête en l'air en ce moment, que j'avais pas beaucoup de bonnes notes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, je n'ai pas été en cours. J'ai été rejoindre Guiguette. Celui Pardon? Tu n'es pas allée en cours? Non. Non, mais attends. Attends, ma fille. Tu as déjà raté 3 jours la semaine dernière. Mercredi, je t'ai laissé aller chez Coé. Mercredi soir, je t'ai laissé aller à l'avant-première pour aller voir M. Pokora et Louane. Et là, tu me dis que tu es allée revoir qui, là? J'ai été voir Guiguette. Et je sors avec Guiguette. Lui à 30 ans. C'est qui, Guiguette? C'est celui qui est à côté de Coé dans le studio. Tu connais grandement, là? Hein? Il est hyper connu, en plus. Et il a quel âge? 30 ans. Non mais t'es barré, toi, ou quoi, là? Non, mais, oh. Non, mais, et puis lui, là, il a... Non, mais il a quoi dans le crâne, là? Non, mais attends, Tassina, c'est une blague, là? Non, mais il m'aime et je l'aime. Tu te fous de ma gueule? Comment ça, tu non. l'aimes? Bah, non, je l'aime. Comment ça, tu l'aimes? Comment ça, tu l'aimes? Bah, je l'aime. Mais attends, t'as fumé, là, ou quoi, là? Bah, non. T'as gobé, t'as fumé, t'as fait quoi, là? Bah non, j'ai rien pris. Bah, mais non, mais attends, tu m'aurais dit encore, maman, j'aime bien Coé, machin et tout, parce que tu sais que j'aime les hommes sans cheveux, ok? Mais là, tu me parles de Guéguette, quoi. Non, mais Guéguette, non, mais allô? Oui, bah, c'est pas grave. Mais c'est grave. Déjà, il a 30 piges, donc il n'est pas intelligent, enfin, voilà, quoi, de côtoyer une jeune fille qui a à peine 16 ans. Il n'est pas terrible, voilà. Bah non. Et puis, vous n'avez rien dans le crâne, quoi. Non, mais attends, tu vois déjà, moi, qu'il y a une grosse différence d'âge, machin et tout, avec une michmiche, et toi, là, 30 piges, 16... Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne? Vous êtes tout ou quoi? Hey. Qui c'est qui parle, là? Oui? J'ai pas que ça à foutre. Allô? Tu raccroches, s'il te plaît. Qui c'est qui parle? Ah, c'est Guéguette. Je t'ai dit, on se voit vite. Passe-le-moi, là. Vas-y, passe-le-moi, là, que je m'excite, là, parce que je suis déjà, tu vois, je suis dehors, je suis chercher le coiffeur, attends, j'ai plein de couleurs sur ma tête, tu vois. Allô. Oui, je suis en train de parler là. C'est qui? C'est qui là? Comment c'est ça qui? C'est qui? Bah, je suis la maman, à Tatiana. Ah, c'est ça, c'est son prénom? Je savais même pas son prénom. Ah, en plus, c'est voilà. Qui là? Et alors, t'es contente? T'as tout avoué? Elle est obligée de crier ça sur tous les toits. C'est Guéguette. Guéguette? Lui-même. Non, mais t'as rien dans le crâne. Non, mais je t'ai vu. Je suis venue quand il y avait. Quand il y avait. Je ne sais plus qui là. On s'en fout. Tal, c'est on ça. Il y avait Tal. Tu veux pas nous laisser tranquille? Mais non, mais franchement, mais tu ressembles à rien, mon. Attends, mais t'as rien dans le crâne. Mais tu crois que c'est ça qui est important? Avec une gamine de 16 ans. Tu crois que c'est ça qui est important? J'ai de la thune, je la fais kiffer. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'en ai rien à foutre. Alors déjà, mon gars, envoie-moi tes fiches de paye, hein, et je verrai après, hein, et je pourrai juger. Mais t'as rien dans le crâne. Non, mais tu te rends pas compte, moi là, je suis dehors. Je suis chez le coiffeur pour me détendre, machin et tout. J'ai plein de couleurs sur la tête, je ressemble à rien. Tu m'appelles, on dit que ma fille. Mais toi non plus, tu ressembles à rien. Déjà, t'es con, là, ouais, avec une gamine qui a 16 ans. Attends, en plus, putain, merde, Tassina, mais t'aurais pu prendre Mika, bordel de merde. C'est le plus beau, c'est le plus craquant. Tu me fais chier, là. Non. Eh, mais détends-toi, c'est que du cul. Plus beau. Oh, hey, mamie. Comment ça, détends-toi? Eh, oh, c'est que mamie, du cul, ça va durer 2 semaines. Dans 2 semaines, je la vire. Mamie, si tu me voyais, je crois que je te ferais bien des choses à toi. Je crois que je te referais le portrait. Ah, t'as intéressé aussi. Mamie. Non, mais dis donc, oh, mamie, tu m'as prise pour qui, là? Bah, excuse-moi, tu vas te faire une couleur, t'as des cheveux blancs, t'es dégueulasse. Mais pas du tout, c'est pour être plus belle encore. Hé, hé, c'est pour me faire belle pour Chloé. Moi, il y a du boulot. Ou alors pour Annika. Moi, je trouve que tout le monde a pris cher, parce que entre moi, j'ai plus de cheveux, toi, t'as les grandes dents. Ouais, j'ai mis cher direct. À part Mika. Non, mais attends, de quoi? Maman, calme-toi, arrête de gueuler! C'est une blague, c'est Coé, c'est pour rire, elle sort pas avec, c'est bon, top, drapeau blanc. Oh putain, vous êtes cons. Oh, les cons. Putain, ma fille, je vais t'incendier, ma fille. Dis donc. Oh, putain, mais je suis dehors, maman. En plus, mais l'enjeu, je vois comme ça, plus rentrer, t'es pas compte. Maman, oh, là, qu'est-ce que c'est que ce craquage sur Mika? Il est beau, Mika, il est joli, Mika, il est beau. Bah, c'est parce que j'ai pris une photo, bah oui, mais c'est parce que je suis amie avec Mika et tout. Il est trop beau. Et puis j'adore Coé parce qu'il a pas de cheveux et j'aime les hommes sans cheveux et tout, moi, alors tu vois. Ça, il faut arrêter, parce que faut arrêter de le dire, les gens l'ont pas vu. Alors, donc, moi, c'est vrai, je suis dégueulasse. En plus, il a maigri. Qui? Alors, toi. en plus. Ouais, mais qu'est-ce que vous aimez pas chez Guigui? Ouais, mais si, il a maigri, il a dit si, il a un beau petit tue et tout, tu te rends pas compte, attends, laisse tomber, quoi. Mais bon, franchement, Guéguette. Mais quoi? J'étais top modèle avant, avant de faire de la radio. Je crois que c'était top modèle, bah, alors, non, alors c'est qu'est-ce que tu fous sur énergie, bordel? Ah, j'ai raté, je me suis blessé sur un podium. Je crois que physiquement, ah, c'est parce que tu voulais plus qu'on te voit, c'est comme ça. Tiens, il y a plein de gens. T'es passé de mannequin et t'es devenu tellement moche que maintenant tu es sur énergie et c'est pour plus qu'on te voit. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher. Même pas eu le temps de lui expliquer. C'est plus la peine de continuer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Fatigué, c'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. C'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Du nouveau Arsou, j'aime bien, moi, j'aime bien ce garçon, c'était vachement bien ce qu'il a fait. Vous avez vu qu'il y a un dossier qui est sorti, c'est étudié par l'Institut Medical Scientist de Chicago. Ouais. Donc c'est sérieux. Sur la masturbation. Ouais. S'éclate les mecs. Hein. Qui dit que la masturbation, eh ben c'est bien. Ouais. Ouais, bah oui, ça. On n'a jamais dit que c'était pas bien. C'est quoi ces gestes? Plus tard, non, moi, je peux au moins en donner deux points, il y a plein de points. Vas-y. Elle accentue le plaisir à deux. Ça, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit quand des fois vous nous appelez, vous dites j'ai 14 ans, je vais faire l'amour ce week-end. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit non, découvre d'abord ton corps. Ouais. Parce que quand tu le connaîtras bien, tu pourras t'occuper de celui de l'autre. C'est vrai, ça. Et ben, ils disent la même chose. Ils disent que si tu connais bien ton corps, tu pourras guider ta partenaire pour la première fois. C'est scientifique qui le disent. Elle aide à diminuer le stress. Les garçons le savent. Ça, c'est vrai. On a une journée difficile, on a du mal à s'endormir. Tac, tac, tac, tac, tac, tac. Endorphine. Merci Kleenex, dodo derrière. Voilà. C'est vrai, hein, c'est un truc de ouf, ça. Hein. Ouais. Nous, les mecs, on fonctionne. Ouais, c'est vrai. Je vous donne un troisième, je dirai la suite après. Allez. Elle améliore la connaissance de soi. Pareil. Tu fais différentes caresses, tu dis bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. La tapette, non, ça fait mal. Dans la prise de courant, non, ça fait mal. Le fer à repasser, c'est pas terrible non plus. C'est pas bien. La spandex, oui, mais pas le côté vert. Voilà, donc on en parlera dans un instant. Il y a encore plein de trucs comme quoi c'est donc bon pour la santé. À tout de suite, on revient. Tous les matins.

Vendredi, ouais. Voilà. Non, Allez, c'est Violetta vendredi. D'accord. Et Ryan Benzetti. Ok, c'est pas Violetta, c'est Tini. Tini. Dans la même émission, avec Ryan Benzetti. Violetta et Ryan Benzetti. Ouais, pour son film Tamara. Vous avez kiffé, il y en a pour les deux. Vous allez être bien. Et mercredi. Et on disait qu'il avait trop de tir. Ah, il était bien ce titre. Il est génial celui-là. J'ai adoré celui-là aussi. Mais tous ils sont bien bah, Et je vous cache pas que même moi celui-là j'ai bien aimé. Je suis français. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il faut quand même que j'explique. Et la direction ici, c'est génial parce que vous avez vu qu'il y a eu deux versions du titre de Black M. Il y a eu Je suis français et il y a eu Bienvenue chez moi. Et donc, on a ici les techniciens qui ont fait un mélange des deux, c'est devenu Je suis chez moi. Et quand tu cliques dessus, Je suis français, c'est pas le Bienvenue chez moi. Donc, c'est une espèce de mélange. Ouais. Les mecs, on leur a mis deux versions, ils savent plus dans lesquelles il faut taper. Oh, ça va, les gens le savent qu'il y a eu deux versions. Il y a eu Bienvenue chez moi et Je suis français, voilà. Je suis chinois là. Voilà. Il fait 20 versions. Wow. Vous me mettrez la version normale? Bien sûr, la... La diffusée, ouais. la dernière version. Bon, on fait un bisou à Mathilde. Ça va Mathilde? Ça va et toi Coco? Oui Mathilde. Je peux finir mon truc sur la masturbation? Ah oui, vas-y. D'accord, après on parlera d'un truc. De quoi on parlera Mathilde? Du code de la route. Sujet sensible. Tu vas le passer? Non, j'ai déjà passé. Oh là là, attends, faut qu'on en parle. Elle l'a passé ce matin. Oh là là, faut qu'on en parle. Ça me saoule cette histoire de code. Eh oui, on va en reparler. Hein. Et en plus, filmé, hein, parce que c'est un truc filmé qu'on va vous montrer et tout, parce qu'on a fait un truc avec la poste, donc vous verrez les vidéos et tout. Tu l'auras, t'iras des preuves, quoi. Ouais. Mais mec, je vais être d'une humeur. C'est la honte. Ça sent la honte. Je vais être d'une humeur, mais ça va être horrible. Bon, masturbation, je continue. Vas-y. Voilà. Elle favorise le sommeil, on l'a dit. Elle multiplie le plaisir, on l'a dit. Elle est bonne pour la santé. Parce que la stimulation, le machin augmente le rythme cardiaque. Ouais. Donc c'est bénéfique pour le corps. Elle est parfaite pour les gens pressés. Ah bon? Parce qu'en fait, ils disent que dans certaines statistiques, parce que quand je dis masturbation, je dis homme, mais c'est homme et femme. Hein. Mmh. Il faut en moyenne 4 minutes aux femmes pour atteindre l'orgasme lors de la masturbation. Ah oui? Oui, c'est vrai. Alors que quand on fait. C'est marrant parce que quand on vous fait l'amour, c'est beaucoup plus long. Ouais. Ah, moi, ça peut être très rapide. Oh, c'est une tanasse, mais l'orgasme si féminin. On est d'accord. L'orgasme féminin, c'est une tanasse. Des fois, on a l'impression que vous n'allez jamais être là, quoi. On n'a pas le mode d'emploi. Puis ça monte. T'arrêtes pas. Toi, t'es là comme un fou, tu transpires, tu vas mourir et tout. Mais t'arrêtes pas. Mais si, t'as l'impression que t'es au cross du collège et t'en es à la 5e borne. T'arrêtes pas. Si, t'as mal. Y'a pas quelqu'un qui peut prendre le relais. J'avoue, ça doit être une pression de ouf. Des fois, t'arrêtes pas, continue. T'arrêtes parce que tu sens que tu vas mourir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ton cœur qui suit plus. Et là, elle te dit le truc bien encourageant. Oh putain, j'étais presque. Allez, plus vite aussi, hein. Ah non, mais ça en déconne. Vas-y, baise avec Usain Bolt et puis c'est tout. Non, mais c'est vrai. Moi, j'y arrive. Je suis désolé, je suis pas un marathonien. Tu dois être vénère. Tu t'énerves ou pas? Non. Si la nana te dit ouais, tu étais presque. M'énerve pas, mais ça hein. Je sais pas, moi ça ne m'arrive jamais. Ouais, connard. Bon, ils disent qu'elle agit comme un analgésique grâce à l'endorphine. Encore. Voilà, vous savez que souvent quand on a... Alors, je vais vous donner une technique, vous pouvez vous foutre de moi. Hein. Vous avez un rhume, vous avez la crève, les mecs. Ouais. Avez... Eh ben, je sais pas pour les filles, hein. Pour les mecs, une masturbation, ça vous débouchera le nez. Ça vous débouchera le nez parce qu'en fait, ça va vous augmenter le rythme cardiaque. Ah bon? D'un seul coup, tous vos trucs dans le corps vont se libérer et en fait, vos sinus qui sont bloqués, ça va faire... Et ça vous débouchera c'est le nez. C'est vrai? Moi, je suis jamais enrhumé, moi. Je l'ai vu, lui, il a une santé d'enfer. Mais il a toujours un truc de sopalin sur lui. Il a toujours un peu de papier sur lui. Non, il est toujours là, toi, d'ailleurs. Ah ouais, bah maintenant, c'est une semaine arrière. Alors, et qu'est-ce qu'il y a encore? Et elle aide à prévenir le cancer de la prostate. Ouais, ça, parce qu'il faut stimuler, ça stimule la prostate. Voilà, parce que ça stimule la prostate et la masturbation. Diminuerait l'accumulation de liquide séminal dans les canaux prostatiques. Et donc, en fait, plus vous vidangez le canal. Vous voyez, c'est comme, c'est comme la pub là, qu'ils font pour les desktops. Vous voyez l'évier là avec les trucs, il y a des comme saloperies dedans. Bon, vous n'allez pas vous mettre du desktop. Et ben c'est pareil. Si vous laissez des trucs dans les tuyaux, c'est pas bon. C'est vrai, ça débouche. Voilà, dans un instant, nous parlerons du code de la route. Je sens que je vais être vénère, faut que je me calme. Mais pourquoi ça t'énerve? Parce que je sais que je vais pas y arriver. Mais moi non plus, je vais pas y arriver. On est deux, ça va, on soutient. Qu'est-ce qu'ils ont eu à rajouter des questions et des panneaux depuis ces dernières années? Bon, enfin, voici Ten Ten One Pilot. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But it don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I'm falling. So taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. I've been thinking too much. I've been thinking too much. Help me. I'm on my ride. Sur Énergie. C'est pas ça, Coé. Non, Coé. Allez, va te faire foutre. Coé, 19h-22h, sur Énergie. Qui dans le public a le permis de conduire? Levez la main. Qui a le code de la route? Qui va passer bientôt le code de la route? Amène le micro vers les deux jeunes filles. Je vais savoir un peu où elles en sont, là. Je vais prendre des nouvelles. C'est comment? Je suis en train de le passer. Et t'en es à combien quand tu t'entraînes? 5 et 6, enfin, ah, ça dépend. Connasse. Ah, tu es presque. Je vais t'insulter, toi, tu sais, je vais t'insulter. Mais toi, t'es entre 6 et 8, c'est pas ça? Non, globalement, alors, je vais vous expliquer un truc. J'avais fait une application sur mon téléphone et Julie m'a donné un truc d'entraînement, un autre contact. Un site internet. Un site, mais vraiment béton armé. Bah, c'est génial, je suis donc passé de 6 fautes à 11. Et bah, pareil. On était sur la même appli, je crois. Ah, mais l'appli, c'est de la merde. Ouais. Hein. Excusez-moi. Alors, je pense que l'appli sur laquelle je m'entraîne s'appelle Code de la route. Je pense que permis école, elle s'appelle. Ne téléchargez pas cette appli. J'avais la même chose. Parce que permis école. J'étais même à 4 fautes, moi. Je croyais y arriver et tout. Et là, ils m'ont mis un truc. Ils m'ont dit, tu vois, ça, c'est les dernières questions du débat. Bam, 11. Quand t'as vu, ils nous ont rajouté un truc test-examen. Il nous a mis que des questions qui peuvent tomber à l'examen. Oh, bah, je vais bosser avec ça. Mais j'ai fait 11 fautes quand même. Ah, ouais. Alors, mademoiselle, à côté, t'en as combien, toi? 8. T'arrives pas à passer en dessous? Non. Ah là là. Moi, je suis comme vous. Moi, j'y arrive pas. Mathilde, et pourtant, j'ai le permis. Hein. Oui. Ça va Mathilde? Oui, moi je t'ai. Ça va et toi? Elle l'a passé ce matin. Elle l'a passé, mais elle sait pas encore si elle l'a. Maintenant, elle le sait plus. Ah, tu le sais pas quand? Tu le sais pas direct? Ah bon? Non. Ah, le code, tu le sais pas? Mais non, on vient te le dire. Attends, va nous le dire, Mathilde. Je croyais que c'était pour le permis. Dans 2-3 jours. Ah, c'est ça, dans 2-3 jours. Oui, oui, alors que je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est informatisé, ils le savent. Ouais. Ah, donc toi, tu seras de bonne humeur du coup. C'est pour éviter mercredi. Ouais, mais on a la réponse jeudi, nous. Pour éviter les mauvaises réactions, justement. Attends, Loris. Il y avait des agressions. Quand l'autre lui disait t'as pas le code, il s'énervait, ce qui est possible avec Coco. Ouais. Ouais, voilà. Tout à fait. Ils ont arrêté ça. Ouais, mais c'est pas idiot. Bah, bien sûr, c'est pas idiot. Ils sont pour rien, les mecs, à danser les mauvais trucs. Bon, et tu penses t'avoir réussi ou pas? Bah, je pense, je sais pas. T'as eu quoi comme question? Est-ce qu'il y a eu une question un peu dure? Vas-y, brief-moi. Dis-nous un peu. Ouais. Pour moi, oui. Genre quoi? Qu'est-ce qui a été dur? Ça va. En fait, il y avait un panneau marqué parking. Et en fait, j'avais trois possibilités. Soit faire une pause, après acheter à manger ou... Des questions débiles, hein, franchement. Ouais, voilà. Et puis, bah, C'était juste ça? Faire une pause ou acheter à manger? La question, elle disait quoi? La question disait, vous passez devant un panneau et c'était quoi l'idée? C'était qu'est-ce que vous pouvez trouver dessus? Oui, on va dire ça, oui. Oh, ça, c'est écrit sur le panneau. Truc d'autre, des aires d'autoroute. Ouais, un peu. Enfin, il y avait un peu de. Attends, tout, c'était un parking fait. Ou une aire d'autoroute. C'est pas la même chose. Attention, rigole pas. Il y avait beaucoup plus sur la sécurité en fait. En fait, ils font chier maintenant. Je crois qu'ils font plus du tout les panneaux. Ouais. Ils sont dans le délire ceinture, alcoolémie. Est-ce qu'on avait beaucoup de genre de pourcentage de vie, d'accident, machin et ça. Non, ça t'avais pas. Non, pas du tout. Non, il y avait pas tout ce qui est pourcentage et tout. Ah, ça c'est. Je le sens pas du tout ce corps. Ah ouais, on non plus. Hein. Après, faut bien se concentrer. Ah bon. C'est à 40 secondes, c'est ça entre chaque question. Ouais. C'est pas mal, 40 secondes. Hein. Et tu l'as passé secondes. Sur quoi? Sur une tablette? Sur un boîtier. Ah, parce que nous, à la poste, c'est sur une tablette, c'est sur un iPad. Oh. Ouais. Je le sens pas. Il y avait une autre question ou pas? Ça vas-y, donne-nous une autre question. Ouais, tu donne-nous des questions que t'as eues un peu. Par exemple, il y a des questions débiles sur les mecs en scooter. On te dit que les mecs en scooter ont le droit de remonter. Sur la file de gauche entre deux voitures, mais dans toute la France, en Rhône-Alpes ou en Île-de-France? J'en ai aucune idée. En Île-de-France. En Île-de-France et en Rhône-Alpes. Ah bon? Eh oui. Voilà, et ça, c'est le genre de question, elle est faite, elle existe, tu mets que en Île-de-France, machin, ou là, bam, au revoir, à bientôt. Ouais. Ah mais c'est que des trucs comme ça. Moi ça me vénère aussi, je m'énerve. Et maintenant j'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup plus de questions sur le comportement, la sécurité, le cannabis, le machin, le truc. Ça revient tout mais le temps. C'est important. Le cannabis, l'alcool. Je veux bien que ce soit important, sauf que bon à un moment donné si tu bois pas et que tu fumes pas de pétard, vaut mieux que tu saches à quoi ressemblent les panneaux. Ça me paraît un peu plus important de savoir si t'as le droit de passer à droite ou. Parce qu'il y a des panneaux avec marqué interdit de fumer avec un pétard et une croix. Et il y en a par contre où il y a un pétard, tu peux y aller. Et c'est après généralement ils te mettent un truc gonflé. Pour donner le sens du vent, pour te montrer comment il faut fumer. Parce que d'accord, sinon, rentre dans la voiture. Mais non, évidemment que non. Bon, Mathilde, tu penses l'avoir? Tu nous tiens au courant alors? Ouais, bah ça marche. T'as la réponse quand toi? Dans deux jours, deux, trois jours. Ouais, deux, trois jours, ouais. Bon, et tu penseras à nous, c'est mercredi matin. Oh là là. D'accord? D'accord. Mais si tu l'as et que Ko et Julie ne l'ont pas, ne rappelle pas, ça va les énerver. On va pas avoir la même série. Moi, si je l'ai pas, je veux pas entendre le mot code pendant longtemps. Je veux pas voir le Da Vinci code. Je veux pas voir... Vas-y, rentre ton code. Le premier mec que j'amène avec ma carte bleue, dit tapez votre code, c'est ma main dans ta gueule. Je veux pas entendre code. On va être vénère l'un et l'autre parce qu'on n'a pas les mêmes séries. Et du coup, ça se trouve, t'auras une série plus facile et moi plus dure ou l'inverse. Je m'adresse aux gens de la poste. Oui. Si vous m'en mettez une plus dure, là, vous cherchez. Là. Non, là, mais c'est vrai, du coup, vu que c'est pas les mêmes séries. Et quoi, je paye plus un timbre. Aléatoire, de toute façon. C'est fini. Oui, si, je crois que c'est complètement aléatoire. Ouais, il n'y aura pas une série dure, une facile. On est sur énergie. Bisous, ma petite Mathilde. Je t'embrasse. Ouais, Koé. Oui. Je t'ai vu à Samé vendredi. Ah, bah c'était bien, ma petite chérie. Je te fais un gros bisou. Je t'embrasse. Ouais, et est-ce que je peux avoir aussi un autographe? On te fait tout ça, les posters arrivent. You can be my guiding light. Keep me company. It's all I need, all I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border, like the air I breathe. I let you in, keep me warm underneath my skin. Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into C'est bien ça, mais Mike Perry, en fait, si j'ai bien compris, c'est un mec et c'est une nana qui chante. Oui, c'est ça, ouais. C'est comme celui qu'on avait eu. Alan Walker. Alan Walker. Aïe, j'ai tout compris. Reste avec tout. Je crois que tout à l'heure, si je ne dis pas de bêtises, il y aura le retour du blind test de la mauvaise foi de la semaine dernière, que parce que j'ai triché et que Julie et moi, on part avec un point de moins. C'est la première émission radio qui fait plus de vues sur YouTube que les audiences des émissions de télé. Ah, ça. Mais pourquoi on les voit pas à la télé alors? Parce qu'ils sont pas design. Koé, 19h-22h sur YouTube. C'est vrai, hein, excusez-moi. C'est vrai qu'on n'est pas design, c'est vrai qu'on n'est pas... Je vois pas pourquoi tu dis ça. Mais je suis sûr qu'ils seraient contents de nous voir à la télé, les gens. N'empêche, ça fait quand même 7 ans qu'on fait cette émission qui est numéro 1 en France. Ouais. Vous croyez pas que depuis 7 ans, on aurait pu compacter les meilleurs moments de l'émission quand on a toutes les stars qui viennent et en faire une émission qu'on pourrait mettre, je sais pas, dans la maison, il y a Énergie 12. Mm. Ça fait 7 ans que je propose l'idée. En replay. Bah oui, mais ce serait vachement... Ah, ça serait bien. Je sais pas, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je comprends pas non plus. C'est pas... Très beau cadeau. Dans la série des objets de merde. Lot numéro 5 à vendre, capsule mousseux crément, 30 centimes d'euros l'unité. Qu'est-ce que du crément? C'est dégueulasse, c'est du faux champagne. Non, alors dites pas ça. On revient sur le débat avec Julie. Tu t'en souviens? On l'a testé l'année dernière, Julie, je crois. Ouais. On m'a offert. Tu t'es fait avoir avec mon crément de Bourgogne. Parce que quand il est très frais, on se fait. Bon, bref, pas. Non, il n'y a pas de très frais. Quand il est très frais ou qu'il est très chaud, j'ai un copain qui est venu la dernière fois avec un crément, je te jure. Parce qu'il était pas bon. Il a franchi la porte, j'ai regardé la bouteille, j'ai dit ah putain. Mais le champagne, c'est juste la région, de toute façon, après, oui, il est fait pareil. Merci dans les autres régions. Il était infect. Mais on va infect pas revenir là-dessus. Ah, et moi, j'ai bu du champagne Picard. Du champagne. Il était surgelé. De chez toi, de l'aide. Mais parce que c'est à la limite du 51. Ouais. Il a la limite de la Marne. Et en plus, pour le coup, il y avait un loup sur la bouteille. Ouais, mais vous avez des champagnes comme ça. Par exemple, t'as la Marne. À côté, t'as la Haute-Marne, le 52. Ils font aussi du champagne, mais c'est pas champagne. Ouais. Et dans l'Aisne, qui est collé à Reims, ouais, ils en font aussi, mais c'est pas du champagne. Vous avez pas entendu la vanne de Gaët, qui était très drôle. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, il y a du champagne Picard, j'ai dit qu'il était surgelé. Et ça fait rire que Julie. Bien. Donc, mais des capsules de mousseux, c'est quoi? Comment ça marche? C'est quoi l'intérêt? Il y en a qui collectionnent. Je crois que le mousseux, c'est pire que le crément. Ah, oh, des capsules, je crois que c'est comme les capsules à café. Ah, la capsule au-dessus du bouchon. Oui. Ah, c'est. Il y en a qui collectionnent ça. Mais c'est sérieux. 30 centimes, c'est cher, non? C'est presque la bouteille du mousseux, non? Ouais. Sur le mousseux, je crois que t'es encore en dessous. Ouais, le mousseux, c'est pas le crément. Le mousseux. Appelle-moi la personne. Si jamais la personne reconnaît que c'est de la merde, on lui dit qu'on lui achète pas. Mais le mousseux, effectivement, c'est vraiment dégueulasse. Je vous le dis tout de suite, les amis. Hein. Quelqu'un qui, si c'est une vraie collection qui lui tient à cœur, il ne dira jamais que c'est de la merde. Mais vas-y, attaque-le en frontal. Ouais, mais ici. Quoi en frontal? Si la revend, c'est qu'il en veut plus. Oh, bah, si je lui dis bonjour, c'est de la merde. Allô? Oui. Bonjour madame, j'appelle pour la collection de capsules mousseux crément. Oui. C'est bien vous? C'est bien moi. Ah, ma femme m'avait dit d'appeler, elle m'avait dit qu'il fallait pas que je rate l'occasion. D'accord. Voilà. Oui. Par contre, je vais monter s'il faut que je regarde les plateaux en même temps, parce que je suis pas dans la pièce où alors, il y a les plateaux. Alors je vous en prie, allez-y, je vous laisse monter, bien sûr. Vous en avez des frappes, bien sûr. Voilà, je vous laisse. Alors. Allez-y. Montez. Voilà, ça y est. C'est une grosse collection? Bah, il y a quelques plateaux, il y en a 13, j'ai 13 plateaux. D'accord, ah, c'est une belle collection quand même déjà. Qui remonte à quand? Bah écoutez, il y a un peu de tout, hein, c'est varié. Enfin, c'est des doubles, hein, de toute façon, c'est tout ce qui est en double. Ah d'accord. Ah, oui, c'est tout ce qui est en double. Vous ne vendez pas les unitaires, vous les gardez pour vous? Bah ouais, j'en ai une collection pour moi. Ah, c'est vous personnellement, combien vous en avez? Parce que moi aussi je suis collectionneur. Hein. C'est ma fille, c'est pas moi, c'est ma fille. Hein. D'accord. Bon, là, elle est partie sur Paris. Quelle collection? Oh, combien de mousseux? Bah exactement, écoutez, j'en sais rien. Ah, mais je sais pas exactement. Et ça lui est venu comment? Bah, en faisant les brocantes, elle a commencé comme ça, puis après en voyageant. Et généralement, vous savez, quand on collectionne pas qu'un truc. Hein, moi, je collectionne les miniatures de parfums. Ah, alors ça, mon épouse, c'est incroyable, faisait la même chose, les miniatures de parfums. Ah, vous voyez, et sur Jean-Paul Gaultier particulièrement, je fais aussi les flacons. Vous en avez combien de miniatures de parfums? Oh, j'en ai énormément, j'en ai. 5000, j'en ai énormément. Ah, ça prend la poussière, mais c'est beau, hein. Ah oui. Mon épouse, c'est pareil. Elle faisait ça, les poupées, etc. Non, c'était vraiment. Moi, j'ai attaqué une collection à un moment donné qui était les roues de voiture. J'avais une passion. Vous voyez, bon, c'est grand. Le problème, c'est que ça prend de la place. J'en avais 6732. C'est encombrant. Vous voyez, mais. Encombrant. Mais alors, quand on est collectionneur, on se comprend, hein. Ah, voilà. Ah, bien sûr. Donc, vous avez des marques comme quoi, alors, comme crément? Bah écoutez, il y a un peu. Vous avez pas vu les photos aussi? Si, j'ai vu les photos, mais vous savez, je vois pas la marque. Hein. Oui, mais en fin de compte, bah, y a de tout, parce que bon, il y a des Français, il y a des étrangers. Ah oui. Bon. De tout. L'ensemble est à combien? Bah écoutez, je les vends à la pièce. Hein, Moi, vous savez ce que je me dis, madame, hein, parce qu'entre collectionneurs, on peut se le dire. Si vous collectionnez les miniatures de parfums, oui. Je pense que pour vous, collectionner les capsules de vin, je pense que pour vous, je pense que vous devez trouver que c'est de la merde. Ah, c'est pas la même chose, hein, c'est vrai que c'est pour ma fille aussi, mais un peu. Bon, on est entre nous. Sur les brocans, moi, ma femme trouvait que ma collection de roues de bagnole, c'était de la merde. Je comprends. mais vous, je suis sûr que vous, si vous aimez le style, le parfum, etc., vous devez, le chic à la française, bon, vous devez penser que les bouchons, là, les capsules, c'est un peu de la merde. Bah non, pas spécialement. Bon, ça prend moins de place que mes flacons, en tout cas. Oui, mais bon, par rapport à des flacons qui sont beaux, jolis, élégants et qui sentent bon, des capsules. Oui, c'est différent, c'est certain. Madame, on se parle entre nous, madame. C'est pas différent. C'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Mais je vous dis, elle a eu pas mal d'appels, hein, quand même, hein, déjà. Mais non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste, quand on est habitué à collectionner du parfum, dans ce cas-là, une collection de capsules, c'est un peu de la merde. Ah oui, c'est pas la même chose. Oui, c'est de la merde. Voilà. Bon, ah bah alors, elle a dit voilà. Alors, madame, alors si c'est de la merde, on vous l'achète pas! À bientôt, au revoir madame, bon courage, je vous embrasse. On y arrive, c'est toujours un peu long des fois. Là, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais non, elle a dit voilà! Les collections, c'est comme ça, monte le son. Voici mon poteau, Black M, qui sera avec nous mercredi. Ah, j'adore ce nouveau morceau. Welcome, ladies and gentlemen. Le rap est démodé, on est loin de l'époque de M.O.B. Aski, le black est surcoté, sa fin est proche, il devrait se mettre sur le côté. Aski, si je ne vais pas voter, ils vont renvoyer ma communauté. Aski, je suis revenu pour tout rafler, dites aux jaloux qui pourront jamais me saboter. Oh, the roof is on fire, les gars sont tous dire. La mise elle fait des manières et moi je suis complètement higher. Aski, je suis venu faire le show, j'en fais un peu trop. J'en fais un peu trop, je vais vous faire oublier, mais commencez, je vous emmerde tout seul. J'ai commencé, je finirai tout seul. Ils font aux armes, mais m'écoutent en douceur. Bienvenue dans mon monde où tu peux pas dire pousse. T'as pas un rond, les gens vont te dire pousse-toi. C'est pas marrant quand tu viens de la brousse. Demande à papa qui s'est fait éclabousser. À peine arrivé, on te dit allez, ouste. Il y a de l'or, mais je me demande où ça. T'es dans la merde si tu t'appelles Moussa. Ils veulent ma peau parce que j'ai dit le mot. Je suis comme Michael, je me demande who's bad. À là-bas, j'ai pas demandé tout ça. Pas là-bas, le rap c'est nous, on ne bouge pas. Ça tire, mais ça ne me touche pas. Bla bla bla. J'en mets le forum sur Bouska. The roof is on fire. Les gars sont tous d'ailleurs. La mise elle fait des manières. Et moi, je suis complètement higher. Aski, je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier vos super héros. Aski, je suis venu faire le show. J'en fais un peu trop. Je vais vous faire oublier même. Restez avec nous sur Énergie. Dans un instant, on aura du super jeu. Ah, les super jeux de le premier de la semaine. Ce sera qui? Ce sera Florent. Ça va mon Florent, t'es en forme? Salut Koé, salut l'équipe. Salut, on va tout expliquer, on donnera les 5 phrases pour piéger Jérémy. Tout à l'heure, le retour du blind test de la mort. A tout de suite. Gagnez vos invitations pour les Energy Music Awards. Écoutez Energy. Dès que vous entendez le double hit Energy avec Sia. C'est Sia. Et Maître Gims à la suite. Maître Gims. Appelez Energy. 3937. Energy. Et gagner ce que seul Energy peut vous offrir. Vos invitations pour les Energy Music Awards. Merci Energy. Les Energy Music Awards. Le 12 novembre. En direct de Cannes sur TF1. Et Energy. Hit music only. Il s'appelle Brice, il vient de Nice et il reprend du service. Ici, c'est pas ton spot, c'est celui de Grégor Dosgore. D'accord, lui, que méchant, quoi. Et quand il allonge le bras du nord-ouest au sud-est sans toucher la Corse, c'est la casse XL. Tu m'as bien regardé, là? Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien voir ta gueule, mais juste un soir pour Halloween. Brice 3. Parce que le 2, je l'ai cassé. Mercredi au cinéma, avec Énergie. Leclerc. Plus que quelques jours pour profiter des super pouvoirs d'achat Leclerc. 50% de tickets Leclerc sur le café Senseo en dosette. Ah ça, il adore. Les dosettes et aussi le ticket Leclerc.

je m'appelle Koé, il y a Julie, il y a Pierre, il y a Guiguette, il y a tous ceux qui sont là. Dans un instant, on se fera le retour du blind test qui va être encore un truc qui va énerver tout le monde. Oh là là, c'est la guerre à chaque fois. Moi, je suis premier degré à chaque fois. Et vous partez avec moins un point tous les deux. Mais moi, je triche jamais et je gagne tout le temps. C'est tu triches jamais. Non, je triche jamais. Tu gagnes jamais non plus. Tu n'as jamais triché. Vous me faites passer pour une tricheuse alors que je n'ai jamais triché, je n'ai jamais les titres, je n'ai jamais rien. Il dit à l'antenne, il te dit dans le micro, dans le micro. Jamais triché. Jamais. Je n'ai jamais triché sur un blind test. Je te jure que je n'ai jamais triché. C'est impossible. Regarde son sourire. Mais c'est même. Cette nana ne sait pas mentir. Bah, je vous jure que c'est vrai. Non, mais c'est pas mentir. Pourtant, je vous ai menti sur plein de trucs. Arrête de jurer, s'il te plaît, tu vas finir en enfer. On fait un gros bisou à Florent. Bienvenue pour le super jeu. Ça va, Florent? Ouais, toi? Oui, mon gars. T'habites où, Florent? Bah, j'habite à Grenoble. Ah, quoi de neuf à Grenoble? Ça fait longtemps que je suis pas là à Grenoble. Ça fait très longtemps. Quoi de neuf? Tout va bien? Vous allez avoir de la neige dans pas longtemps. Tout va bien, un petit peu un temps de merde, mais ça va. On en est où de l'annonce du froid là? Parce que vous souvenez pas que la semaine dernière, tout le monde disait le froid arrive redoutable. Et là, finalement, ça a caillé cette semaine. Il réannonce du 17 degrés, 18 degrés. Mmh. Le froid, il passe. Bah, tant mieux, on va pas se Non, mais ils annoncent de la neige ou quoi cette année? On en est où là? Bah, ça devait être l'hiver le plus froid depuis 100 ans. Mais tu veux de la neige, toi, absolument. J'aime la neige, mais pas sur des courts termes. Moi, j'aime une petite semaine de neige. Moi, ça m'arrange pas. À Paris, la neige, c'est un peu relou. Ça n'a aucun intérêt la neige à Paris. Ça abîme les chaussures. Oui, je suis un peu à Touquet, là, à la neige. Ah oui, au Touquet, oui, c'est sympa. C'est bien, mais t'es bien. T'as de la neige au Touquet avec la mer? Il y a deux ans, il y a eu de la neige. Il y a trois ans, il y a eu de la neige, mais grave. C'était une tuerie. Puis quand il neige sur la plage, c'est une tuerie. Hein. Ah, c'est beau. C'est super beau, là. Moi, j'adore. Bon, en attendant, tu me dis pour le super jeu, je souhaite énerver mon meilleur pote Jérémy en lui faisant croire que je couche avec sa copine qui s'appelle Cassandra, avec qui il sort depuis deux mois et qu'il est cocu. Tu nous dis qu'il est très amoureux d'elle, qu'il a un caractère de merde, il est très soupolé. Ça m'a toujours fait rire, ce mot. Il est dégueulasse. Qui a inventé cette expression soupolé? J'ai fait que la reprendre, c'est pas moi. Hein. Alors que ça n'a rien à voir. Soupolé, c'est quelqu'un qui s'énerve. Non, soupolé, non, justement, c'est quelqu'un de non qui est voilà un peu bipolaire, un peu qui. C'est quand tu mélanges, tu rajoutes du lait dans la soupe en fait. Ça vient il est chauffeur privé et tu nous dis le connaissant en théorie va devenir ouf. Ouais, je pense qu'il va devenir ouf. À mon avis, ça devrait être bon pour faire partir au quart de tour. T'as intérêt si tu veux gagner un cadeau? Qu'est-ce qu'il y a gagné, Julie, cette semaine? Pour la sortie du film Brice 3 avec Énergie, on a une Xbox One S. C'est la nouvelle Xbox. C'est génial. Bah ouais, tu m'étonnes. Qu'est-ce que tu as à dire? T'as bloqué, c'est génial. Non. C'est vrai qu'il y a Brice 3 qui sort. Oui, il y a Brice 3 qui sort avec Énergie. Non, pas Brice 3. Oui, Brice 3. Brice 3, c'est. Brice 3 avec Jean Dujardin. C'est fabuleux. Vous savez qu'on nous a proposé Jean Dujardin en interview. Oui. Fallait aller se déplacer à son hôtel. Oui. C'est-à-dire, Jean Dujardin, il ne marche même plus jusqu'à Énergie dans le 16e arrondissement. Si, il est venu pour Manu. Ah, pas pour nous? Ah oui. Nous, il fallait qu'on aille à l'hôtel. Oui. Bah, vous faisiez que les matins, je crois. Vous voyez, finalement, on n'y est pas allé. Donc, c'est pas grave, il était chez Manu. Oui. Tant mieux pour Manu. Et c'est bien pour nous. Bon, en attendant, donc, voici les 5 phrases que tu vas dire à ton copain. Je peux plus le garder pour moi. Je couche avec Cassandra. Cassandra! Un jour, elle sera mienne. Oh oui. Tant qu'à être cocu, autant que ce soit avec un pote, non? Ça va, t'es avec depuis deux mois, c'est rien. Voilà. T'es jamais là avec ton taf de merde, alors faut bien que quelqu'un alors faut bien la ken ta meuf, bien écrit. Bah, faut bien la ken ta meuf. Et la dernière, pour bien l'énerver, t'es cocu, t'es cocu, t'es cocu, t'es cocu, t'es cocu, 5 fois. Voilà. Si on n'entend pas les 5 fois t'es cocu, je te préviens, on ne validera pas. D'accord? Okay. Ne bouge pas, mon gars. Shawn Mendes va être dans quelques jours à Paris. Ça y est, pareil aussi, on me demande des trucs pour Shawn Mendes. Est-ce qu'on peut rencontrer Shawn Mendes? Est-ce qu'on peut voir Shawn Mendes? On essaie de vous préparer une surprise avec Shawn Mendes. Je dis bien, on essaie. On essaiera de voir. Si on le sait, on vous en parlera dans la semaine. Oui. Parce que vous allez le kiffer. N'oubliez pas, semaine incroyable hein, avec Violetta qui vient, Fifth Harmony avec Black M en live du parc Astérix et notre ami Shawn Mendes peut-être. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can. I'll stop time for you. Second you say you'd like me to, I just just wanna give you the loving that you're missing. Baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? You better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you sur Énergie. Ouais, toute l'équipe est là. J'espère que vous êtes en forme et que tout va bien de votre côté. Moi, je m'appelle Coé, c'est Florent qui va tenter de piéger son pote pour gagner pour la sortie de Brice 3. Quoi, Julie, comme cadeau? J'ai encore oublié ce que c'est déjà. La Xbox One S. Ça, tu vas kiffer. C'est la nouvelle Xbox. Florent, redonne-moi les 5 phrases que tu veux dire à ton copain. Alors, je peux plus garder pour moi, je couche avec Cassandra. Ouais. Tant qu'à être cocu, autant que ce soit avec un pote, non? Ça va, t'es avec depuis 2 mois, c'est rien. Très bien. T'es jamais là avec ton taf de merde, alors faut bien la gueule ta meuf. Ça joue bien, hein. Et t'es cocu, t'es cocu, t'es cocu, t'es cocu, t'es cocu. C'est bien. Pas mal. Ouais. Ouais. On y va. Allez, c'est parti. Sois bon. On appelle le copain. Allez, c'est parti. Ça va ou ça en va? Ils sont en panique, ça s'est cramé. Allô. Allô, Jérém. Ouais. Ouais, c'est Flo. Tu vas bien? Ça va. Pourquoi tu m'appelles en numéro privé? Bah, c'est compliqué. En fait, le SMS que je t'ai envoyé tout à l'heure. Il faut que je te dise quelque chose, un truc d'important. T'as du temps un petit peu là ou? Bah ouais, vas-y, ouais. Bon, voilà, je sais que tu sors avec Cassandra depuis pas longtemps, mais voilà, il faut que je te dise avec... Enfin, je peux plus le garder pour moi, voilà, il faut que je te le dise, je couche avec Cassandra. Quoi? Tu couches avec Cassandra? Je couche. C'est-à-dire... Très drôle. Non, je couche avec Cassandra, mais c'est-à-dire depuis quand, là? Bah, là, depuis la semaine dernière. Attends, tu m'appelles pour me dire que tu... Attends, tu te fous de ma gueule, quoi, là? Bah non, je me fous pas de ta gueule, non, je couche avec Cassandra. Bah je comprends pas, attends, tu m'appelles pour me dire que tu couches avec ma meuf, là? Ouais, plus ou moins on peut dire ça, ouais, c'est ça. Attends, tu m'envoies un message tout à l'heure pour me dire faut que je te parle, c'est sérieux, nanana, c'est... Non mais tu te fous de ma gueule, là, Flo, tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Non, pas du tout, non, je t'assure que non. Mais putain, mais t'es un enculé ou quoi, attends, Mais vas-y, raconte, putain, connard! Non, mais attends, mais c'est pas si grave que ça. Enfin, en même temps, tant qu'à être cocu, autant que ce soit avec un pote, non? Non, mais attends, mais tu te fous de ma gueule! Non, mais franchement, tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Tu m'appelles pour me coucher avec ma meuf? Pauvre connard, Vanomi! Vas-y! Putain, t'es où, là? T'es où? Bah là, je suis chez moi, là, tranquille. C'est chez toi, ouais. Ben bah, putain, ben bah, reste chez toi, mon connard, j'arrive. Mais tu t'énerves pour rien, toi, attends. T'es chez toi. Quoi? Tu t'énerves pour rien. Attends, tu m'appelles pour me dire que tu baises ma meuf et moi je m'énerve pour rien. Tu te fous de ma gueule ou quoi, gros connard? Mais ça va, ça fait putain, mais je vais t'en mettre sur la gueule, ça l'enculé. Putain, mais t'as appris que tard, toi, moi je te présente des meufs et toi t'es en train de me dire que tu couches avec ma meuf. Non mais attends, deux minutes, laisse-moi parler. Ça va, t'es avec depuis deux mois. Laisse-moi parler, ouais. Vas-y, bah parle, connard, vas-y, parle. Je te dis que ça fait. T'es avec elle depuis deux mois, c'est rien. Mais j'en ai rien à foutre, t'as qu'à trouver une putain de gonzette. Bah parce que je préfère qu'elle s'en va. Putain, mais t'es un enculé, t'arrêtes, putain, tu vas prendre super cher en fait. Non, mais tu te fous de ma gueule. En même temps, ça. Attends, en même temps, ça m'étonne pas qu'elle ait fait ça, parce qu'en même temps, avec ton taf, t'es jamais là. Faut bien que quelqu'un la ken, ta meuf, non? Quoi, avec mon taf, je suis jamais là, mais tu te fous de ma gueule. Et alors, et après, qu'est-ce que ça peut changer? Ça change quoi, ta putain de vie, je sois jamais là? Donc ça veut dire que quand je suis en train de bosser, t'as le droit de la baiser, c'est ça que t'es en train de me dire, gros connard? Ouais, plus ou moins. Mais je vais te défoncer, mais putain, mais attends, t'es chez toi, là? Sans déconner, t'es chez toi, là. T'es chez toi, bah, ouais, ouais, je suis chez moi, ouais. Franchement, j'arrive. Bouge pas, j'arrive. Putain, mais toi, c'est même plus la peine, hein. Toi, non, mais de toute façon, hé, laisse tomber. T'es cocu, ouais, c'est ouais, sûr. Ouais, ouais. T'es cocu, t'es cocu, t'es cocu, t'es cocu. T'es cocu, ouais, non, mais ouais. Ouais, mais toi, t'es un homme mort, mon gars. Toi, t'es un homme mort. Et tu sais, la thune que tu m'as prêtée, là, les 500 euros, là, hein, dont j'avais besoin, putain, mais tu peux te les foutre dans ton fion, mon con, parce que tes 500, tu les retrouveras jamais. Et Cassandra, je vais avoir une conversation avec elle, et je peux te dire, t'es pas prêt de la rebaiser, mon con. T'es pas prêt de la rebaiser. Et ça m'étonnerait qu'avec ta tête de connard, tu la baisses. Franchement, tu te fous de ma gueule. Bon, tu te fous de ma gueule, tout le monde, tout le monde hein, l'a sauté, c'est la meuf, tout le monde l'a sauté, c'est bon, pas non plus. Attends, pardon, c'est qui? Ah non, c'est bon, il entend pas. Attends, t'es avec Mathieu, là? Ah, ferme-la, tout le monde a baisé ta meuf, c'est bon. Allez, quoi? Mais tête de bite, mais t'es qui toi? Toi t'es qui, gros connard? Tu vois, c'est même pas un secret, tout le monde la ken, ta meuf. Ça sait, va, y a pas péril dans la demeure. Hein. Mais ouais, non mais tu sais quoi? De toute façon, là, je l'appelle. Même pas la peine, tu la reverras jamais, mon con. Jamais, mais genre, tu l'as baisé combien de fois? Combien tu l'as baisé? Tu l'as baisé combien de fois, gros connard? Mais elle s'en fout, toi, elle préfère prendre son pied ailleurs. Elle s'en fout, dis-lui qu'elle s'en fout. Moi aussi, je vais baiser la Cassandra Chaud de ta région. En vélo. Mais toi, putain, mais c'est qui, je reconnais même pas ta meuf. Je l'ai chopé sur le 6-12-12. C'est qui, le connard, là? C'est qui, connard? La raison des filles les plus chaudes de Grenoble. Quoi? Oh là là, enfin, mais ça coûte bas que je vais vous défoncer, bande de connards. Tu connais la parole de monseigneur? Mais t'étonnes pas qu'elle ait eu envie de prendre un bonhomme. Ferme ta gueule, trouve-toi une gonzette et ferme ta gueule. Tu sais ce que c'est un bonhomme? C'est facile de baiser la meuf des autres. Ben ouais, au moins c'est le cas, parce qu'avant elle avait un gars qui lui dit mais ça coûte bas. Oh là là, alors que là, avec des mecs, des mecs en vélo, des bonhommes, des virils. Si tu la baisses, on voit une photo. Parce que toi, t'es un gros mytho. Ouais, c'est facile de dire je vais baiser. Moi, j'ai pas de preuve. C'est trop facile. Je te tire la moustache. Ferme ta gueule, on voit une photo. Je vais te couper les poils du nez. On verra si t'es un bonhomme. Pauvre merde. Attention, je vais t'épiler les jambes. Moi, je vais te mordre le lobe. Comme ça, je vais faire. Ah ouais, je te titille. Les tétons, tu connais pas, je te les tournerai. Toi t'as un gros con, je sais pas qui t'es, mais t'as un vrai con. C'est quoi? Bah lui avec mon copain, il te soulèvera le bras et moi j'arracherai des petites touffes de poils comme ça en dessous. C'est quoi ton prénom? Il est effectivement un peu vénère. Ouais, ça marche. Il a une petite façon de s'énerver un peu. Il est un peu foufouillou. Il est un peu foufou. Ah, on sent que. On sent qu'on peut. On va se bastonner à coup de bigoudi. D'où tu parles comme ça? Il est un peu foufou, mais ta gueule, hein? Tu me connais ou quoi? Avec tu me connais, t'es même pas capable de donner ton prénom. Ouais, je suis foufou. Ouais, je suis foufou. Ouais, moi. T'es qui? Je suis un malade, je suis un foufou, moi. Ouais, mais t'es un foufou. Et ben viens, connard, viens, on va t'arranger. Ouais, je vais venir avec des potes à moi en vélib. Ouais, on va tirer les verres du nez. C'est quoi cette expression de mec qui s'engueule? Genre, t'es un foufou. T'as 15 ans, allez, ta gueule. J'en ai un peu plus. Je m'appelle Koé. Ouais, Koé. Il y a toujours un blanc derrière. Ouais, c'est ça, Koé. On est sur Énergie, on est en public. Et c'est ça, ça me sort avec ta copine. Mais oui,

l'aventure Friends Trip revient pour une nouvelle saison sur Énergie 12. Quatre équipes de trois amis vont vivre un road trip hors du commun au Canada. Au bout de l'aventure, un seul d'entre eux pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. Défi extrême, amour, stratégie, aventure, trahison. Ils vont devoir se surpasser pour remporter le road trip de leur vie. Leur amitié résistera-t-elle ? Friends Trip, saison 3, à partir du lundi 24 octobre, à 18h15, sur Énergie 12. Choisir l'armée de l'air quand on est jeune, c'est rejoindre les hommes et les femmes qui nous protègent. C'est choisir une voie où les responsabilités n'attendent pas. C'est pouvoir progresser dans son métier. L'armée de l'air recrute 2000 jeunes, du niveau brevet à Bac plus 5, dans 50 métiers. Découvrez nos offres sur air-toutunearmée.fr. Armée de l'air, toute une armée croit en vous. Bon, pour cette soirée de Champions League, on attend Beansport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur du jeu. Avec Lyon et Monaco en exclusivité, on veut te voir à fond, ok ? Ok, coach. Real, Bayern, Barça, Arsenal, on est sur tous les matchs d'arène, tous les buts, compris ? Yes, sir. Allez, les abonnés seront aux premières loges sur Beansport. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur Beansport. Avec demain, Olympique Lyonnais Juventus et CSKA Moscou AS Monaco, en direct et en exclusivité sur Beansport. Voir conditions sur beansport.com. Leclerc. À partir du 18 octobre, venez vous inscrire au grand tirage au sort du super jeu Leclerc, avec à gagner un an de course et toujours 5, 10 ou 20 euros en bon d'achat et 50 euros en e-carte cadeau Leclerc à chaque passage en caisse. Ah bah dis donc. Et oui, c'est ça le super jeu des super pouvoirs d'achat, Leclerc. Du 18 au 29 octobre, venez et participez au super jeu Leclerc. Voir modalité dans les magasins participants. Pour gagner, il faut jouer. Et oui, Gagnez toute la journée votre compil Énergie It's Music Only 2016 volume 2. Tous les 10 moments réunis sur 3 CD. Avec en exclu LP, Feder et Alex Ayono, Soprano, Kung, 21 Pilots, Feature Laser featuring Justin Bieber et Mo, Amir, Jonas Blue, Julian Peretta, Sao, Alonso, Claudio Capeo, Sound of Legends, Vita, Alvaro Soler, Frérot de la Vega. La compil Énergie It's Music Only 2016 volume 2. Déjà dans les bacs. Dès demain, Darty vous connecte aux objets connectés avec le JT Hightech. Salut, c'est Pepe Garcia. Energy Games m'a confié une mission, rendre la Hightech ludique et interactive. Pour y parvenir, rien de plus simple. Des invités drôles, des produits innovants et surtout du public. Rendez-vous sur energygames.fr pour le JT Hightech. Energy Games, play again. Jouer encore. Moi, tous les matins, je casse de l'air, je regarde la mer, ça me régénère. Brice 3. Parce que le 2, je l'ai cassé. Mercredi au cinéma. Ah ouais, je vais pas venir chez toi. Avec Énergie. And now, ladies and gentlemen. On est sur Énergie, c'est la dernière ligne droite. Yeah. Pour gagner directement la X, non, la quoi, la box all inclusive. La box all inclusive. Allez sur boxallinclusive.com et vous pouvez choisir ce que vous voulez jusqu'à 16 000 euros que vous mettez dans votre box. Ça va, il y a des cadeaux, de ouf, hein. Des déplacements, de la bouffe, des séjours à l'étranger. Il y a de tout, des scooters, il y a tout dedans. Vous y allez, vous pouvez choisir, vous mettez à l'intérieur et si jamais la semaine prochaine Mika vient chez vous, on vous offre la box et ses cadeaux. Ouais. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est génial. C'est pas la semaine prochaine, il vient demain. Hein. Ah, c'est demain. Oui. Ah, c'est demain le dernier jour. Oui, et c'est le dernier jour. C'est la dernière box. Donc c'est là. Alors, c'est la dernière ligne droite. Je vais juste dire un truc sur Mika parce que j'ai lu des commentaires de gens qui expliquaient, et vous savez qu'on vous dit tout dans cette émission, qui disaient ouais, mais enfin, le mec il débarque. Oui. Il débarque, il vient avec des tonnes de cadeaux. Oui. Et les gens n'ont pas l'air plus heureux que ça de savoir que c'est gagné. Mais en fait, j'ai compris pourquoi. Pourquoi ? Parce que moi aussi, ça m'a rendu fou. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit attends, tu déboules, t'as 16 000 euros. La personne, elle s'est inscrite. Et c'est elle qui est tirée au sort. Mika, il arrive, genre limite, ouais, merci, au revoir, à bientôt. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont prévenus avant. Ah bah oui. Ah mais je savais pas ça. Ah bah, et c'est pas bien. Eh ben je savais pas. C'est-à-dire que l'huissier de justice, comme ça, un vrai tirage au sort. Bah oui. Ils font le tirage au sort, ils les appellent, on dit bonjour. Eh ben vous avez gagné. Et ensuite, Mika, il arrive avec le truc, mais il y a pas d'effet de surprise. Oui, c'est vrai. C'est livreur, c'est nul. Parce que le but du jeu, c'est de faire un effet de surprise. Ouais, je sais. Et quand j'ai découvert les vidéos, j'ai trouvé ça nul. Parce qu'à un moment donné, le but du jeu, c'est que la personne soit comme une folle et tout. Et en fait, je me dis, mais je comprends pas, ils agissent pas. On leur amène 14 000 euros. Mais moi, tu m'amènes 14 000 euros dans une boîte, je fais des roulades par terre. Dans le public, je pense que c'est pareil. Vous avez cliqué, vous faites votre box, vous gagnez les 14 000 euros, mais vous êtes comme des fous. Ouais. Ben non, en fait, parce que l'huissier les a appelés avant. Genre 2-3 jours avant en plus pour leur dire ça va être vous, alors quand est-ce qu'on peut venir ? Alors il n'y a plus du tout d'effet de surprise. Ouais. Eh ben c'est pas bien. Ils ont réagi pareil au téléphone, coucou. Eh bah oui, mais c'est pas bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut juste que la prochaine fois, quand on le refera, il faut pas le faire. Faut vraiment. Et c'est ce qu'on a dit dès le départ. Eh bah c'est pas bien, monsieur l'huissier, vous nous tuez la joie de la joie. On arrive. Déjà, les huissiers, ça tue la joie. C'est leur métier de tuer la joie. T'as un coup de fil d'un huissier, t'es tendu. T'es pas bien, tu tremblotes quand même. Tu te dis, j'ai fait une connerie. Mais bon, voilà. N'empêche, demain, on ira encore offrir du bonheur. Ouais, c'est le dernier jour. Mais je suis déçu que ça se passe pas comme ça. Nous, à chaque fois qu'on fait des trucs, regardez quand on a vu la vidéo là, quoi, que vous adorez qui cartonne le range ta chambre, ouais, ou le toc toc toc qu'on va faire cette semaine, personne n'est au courant à part des complices. Oui. Mais la surprise, elle est vraiment là. Bye. Et c'est ça qui est génial. T'imagines si on leur dit, bon, alors attention, on va venir dans 3 jours. Hein. T'ouvres la porte, c'est bonjour Koé, bonjour Julie, bonjour Kate. J'ai déjà rangé ma chambre, il n'y a rien à faire. Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. Septième saison de Koé sur Énergie et on attend toujours une stagiaire bonne. Ouais. Merci Julie. À la place de ça, on a un stagiaire rouquin qui prend de la protéine. Koé, 19h, 22h sur Énergie. Ouais, salut. Alors si toi aussi tu veux venir dans le public, je te préviens, je vais te faire applaudir de différentes façons. D'abord, je vais te faire faire ouais. Ensuite, je vais te demander d'applaudir comme ça. Après, taper les pieds. Je vais te dire taper les pieds. Et puis après, je vais te dire, tu cumules les trois en même temps. Ouais. Et puis attention, hein, parce qu'après, je vais t'aider, parce que tu m'entendras derrière, Fleury. Ouais. Comment ça va? Ça va super. J'attends toujours que tu m'invites ça à faire du sport. Vous l'avez entendu, le magnifique. Eh, mais... hey, ça va super. Moi, c'est toujours un truc que je me suis étonné, c'est les mecs, plus ils ont un cheveu sur la langue, plus ils mettent de l'aise dans la poêle. Mais c'est pas de cheveux sur la langue, sur la langue. Tu viens de nous faire un ça va super, et après il fait, t'as pas de cheveux sur la langue. Mais arrêtez ça. Si, c'est un ce. Si. C'est fait de faire ça. Dis le super jeu. Le super jeu. Ah bah allez, maintenant le mec il va faire le super jeu. Mais arrêtez. J'attends toujours que tu m'invites à faire du sport. Oui, oui. Attends. Attends, bouge pas. Attends, ça arrivera. Emmène-le au matin, ça peut être drôle. Moi je suis chaud. Je suis grave. À quelle heure tu te lèves le matin? 6h30. Sérieux? Moi j'y vais à 8h. Ok, mais avec grand plaisir. Vraiment. Et pas partagé. Je suis obligé, mais bon. Mais voilà. Avec, ok, on mettra le même poids. Ouais, je te défie même. Je sais que t'as l'esprit. Attends, t'as vu les tractions qu'il a fait la semaine dernière? Ouais, j'ai vu, d'ailleurs, j'étais très fier de toi. J'étais très fier de toi, genre c'est ton coach depuis 2 ans, c'est clair. Hier, je t'encourageais devant ma télé, j'étais coco. Mais toi, t'es capable de faire ça? Ah ouais, je suis. Ah non, mais franchement, mais en fait, moi j'ai des. Vas-y, fais des tractions sur les barres là. T'es capable de faire des tractions? Moi, j'ai des gros bras par rapport à ma taille, donc du coup, j'arrive facilement à. Mais t'as un petit cerveau par contre. J'ai des gros bras. T'as un petit cerveau et des gros bras. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'hier, t'es encouragé. Bon, j'espère que ça va de votre côté, que vous êtes en pleine forme. Ouais, je m'appelle Corey. Moi, j'aimerais bien le voir faire des tractions. Vas-y, fais des tractions. Des tractions, hein. Vas-y, mets-toi, prends la barre. Ça tient, ça marche. Regardez la technique déjà. Je l'ai fait facile. Non, ça tient. C'est fait pour tenir des projos. Ça tient. Si, on l'a déjà fait. Attends, je vais me décaler. Voilà, micro qui tombe. 15 000. Allez, on y va. Ici, là. Sera retenu sur tes 20 prochains salaires. Personne peut vérifier avant que ça tient vraiment. Personne. Mais si, il va vérifier un peu, mais normalement, ça tient. Ouais. Celle-ci plutôt. Non. Non, quoi non? Quoi non? Plutôt celle-là, ouais. Ah, plutôt celle-là, on me dit. Ouais. Laquelle, celle-là? Oh, à mon avis, il va péter aucune barre, hein, mais. Voilà. Et toi, tu te tues pas, hein. Oh là. Une traction. Enlève ta chaise, plutôt. C'est bien, ça, c'est bien. 3, on va te laisser continuer. C'est comme quoi, reste comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, continue. T'as fait pas de mal, ça. Ah, il a du mal déjà! 7, bah c'est beaucoup, c'est chaud. Faut les faire, hein. Bah, Coco, il en a fait plus que 6, hein. 9. Voilà. Bon, moi j'aime beaucoup ça. Elle a fait une télé. J'avais pas anticipé la chute. J'ai la vidéo. Ouais, j'ai la vidéo. T'as la preuve. J'ai la vidéo pour la direction d'énergie. Mec, t'es trop musclé, j'ai pété la télé. C'est trop large. J'ai pété la télé avec mon cul. T'as mes gros bras. Allez là. Ça cause les pecs. J'ai pas anticipé la chute. T'as eu de la chance. J'ai fait un développé caché. Il est fantastique. Oh, Alexandre, comment ça va? Bon, en même temps, elle a été amortie la télé depuis le temps qu'elle est pendue. Ouais. Ça va, Alexandre? Salut l'équipe. Salut mon gars, bienvenue chez nous. Ouais, ça va, on prend de la prot. Bon alors, tu nous envoyais un message, tu nous dis j'ai pas l'habitude de demander des conseils à ce niveau, mais pour le coup j'ai trop besoin de conseils. Le mail. En deux mots, j'ai rencontré une fille il y a quelques semaines et jusque là tout se passait bien. Entre temps, j'ai rencontré sa meilleure amie, pour qui j'ai eu un énorme coup de foudre au premier regard, et je passe la soirée demain avec elle. Ma copine et un autre garçon qui convoite la meilleure. Oh là là. Voilà, attends. Je passe la soirée demain avec elle, virgule, ma copine, virgule. Et un autre garçon qui convoite la meilleure amie de ma copine. J'ai absolument besoin de conseils pour lui faire comprendre demain que j'ai flashé sur elle tout en dégageant l'autre garçon et en faisant en sorte que ma copine ne l'apprenne pas. Mais c'est impossible. Vous allez, non mais tu serais, le mec qui se met des missions là. Tu serais dans une soirée à 150 personnes. Tu peux réussir à planquer les doses, mais vous allez être 4 et tu veux notamment en choper 2 sur les 4 et dégager le 4e. Ça va pas être facile quand même. C'est compliqué là. C'est pas simple, hein, c'est pas simple. C'est pour ça que j'avais plein de conseils justement. Ah mais là, on n'est pas qualifié pour. Il faudrait que tu arrives à mettre ta copine avec l'autre gars. Non, pas du tout. Non, mais là, c'est juste un signal qu'il veut envoyer. Il veut pas finir la soirée avec la meilleure amie de sa copine. Il veut juste envoyer le signal. Il veut un moyen de trouver. Bah, fait des regards. Envoyer le signal à la meuf, quoi. Les toilettes. Mais la meuf, c'est la copine. C'est la meilleure amie de sa nana. Ouais. Mais vous êtes cinglés, les amis. Se faire balancer. Mais en deux secondes. Mais pas une seconde, on s'amuse à faire ça, la meilleure amie de sa nana. Elles se connaissent depuis longtemps? C'est genre meilleure amie depuis des années? Je sais pas, non, depuis 2-3 ans, je crois. Ah oui, quand même. Mais mec, tu peux tout perdre là-dessus. Ouais. Tu peux perdre les deux meufs, pour le coup. Il a raison. Et tes testicules. Parce que si elles s'énervent. Non, faut pas. Non, ceci dit, c'est un putain de challenge. Non, les amis, la meilleure amie de la copine, ça marche. On touche pas aux meilleurs amis. C'est que des emmerdes. Déjà, quand t'es plus avec la nana, quelques temps après, tu sors avec sa meilleure amie. L'autre, elle t'en voudra à mort. Ouais. Mais attends, moi j'ai un copain, voilà, c'est ça. J'ai un copain, il est divorcé de sa nana, séparé depuis 10 ans. Ouais. 8 ans. Ouais. Il a appris, il y a pas longtemps, que son pote avait invité cette nana à aller partir en week-end, machin. Il est devenu ouf. Ah, c'est normal. Ben non, c'est pas normal, moi je m'en fous. Si c'est son pote. Mais moi, je serais séparé. Pietre, un jour, il invite machin. Non, on a déjà parlé, les gars. Bon, j'irais juste, à la limite, tu pourrais me prévenir, mais je m'en fous qu'une ex parte en week-end avec Pietre. À la limite, bon courage. Mais non. Non mais voilà, mais moi ça ne me dérangerait pas. Mais voyez déjà le bordel que ça crée. Ah ouais, c'est un bordel. Alors, de quand t'es avec la personne et que tu commences à chiner l'autre d'à côté, mais c'est un drame. Mais attends mec, tu veux chiner la copine, mais rester avec ta copine à toi en même temps? Ah non, je vais devoir faire la transition en fait. Ouais, dans un premier temps, c'est ça. C'est ça. Elle va être violente ta transition, hein. Ouais, mais ouais, je pense. Autant y aller cash. Mais ça n'existe pas. Est-ce que la nana elle a des vues sur toi? Je sais pas, non. Oh, je crois pas. Arrête, t'es fou. Mais la nana, elle te ferait elle des appels. Elle t'a même pas fait d'avance, rien. Elle t'aurait envoyé des SMS, t'aurais eu des messages, t'aurais pu dire ah tiens, là, je sens. Mais là, ça veut dire que tu peux tout perdre. Tu vas lui dire écoute, j'ai flashé sur toi, tu dis bah super, mais moi non, et je vais tout balancer à ta copine. Bon, en pleine soirée, ouais, je me lève, tu te lèves et tu fais toi, je te kiffe plus, toi, je te kiffe, je vais t'avoir. Toi, dégage. Et toi, dégage ou je te pète la gueule. Mais voilà. Et là, tu joues une espèce de qui tout double. C'est ça. Qui mérite d'être mis sur Snap. Parce que. Ça m'est jamais arrivé de kiffer sur le pote de mon mec. Moi non plus. Le meilleur pote ou quoi que ce soit. La meilleure amie de la. Non, jamais. Jamais, j'ai jamais eu de. Ah, peut-être qu'elle avait que des amis moches, ouais, mais ça m'est aussi. Jamais arrivé de. Ah, c'est vrai, je si, me suis bah, jamais bah, bah, si, plein en de théorie, fois, mais en tu théorie, vas pas parce que non, voilà. Les amis, on va surtout se dire un truc. C'est qu'en théorie, ta nana, elle a une super copine top canon. Mm. Généralement, elle te la ramène pas souvent à la maison, hein, si tu calcules bien. Ouais. Bah, elle si la c'est voit, ta meilleure amie, oui. Elle la voit, elle, dans son coin, quand t'es pas là, se fait une soirée fille, mais elle va rarement te l'amener parce qu'elle veut pas que tu louches sur la plus belle copine. Généralement, les nanas que ta copine te ramène à la maison sont plus moches qu'elle. Non, mes copines, je les ramène à la maison, elles sont plus jolies que moi. Oui, mais il n'y a pas de mal. Oh pardon, c'était violent. C'était une blague, mais c'était un peu violent. Ouais, mais hey, je la valide, check. Check, elle va mal. Et lui, il ne peut pas partir avec un point en moins sur Blind Test. Non, parce qu'elle est assez marrante. Ça mériterait même un point en plus. Ah, bon, merci. Je te fais un gros bisou, Alexandre. C'est bâtard. Alexandre, ne joue pas à ça. Tu mets le doigt dans un truc. Ah ouais, n'y va pas. D'accord. Soit reste avec ta nana, soit les deux, mais. Je sais pas, je vais essayer de gérer. Fais le bonhomme et tente là, comme je t'ai dit. Tu risques de tout perdre. Tu risques pas tout alors que t'es au courant de rien. C'est qui te double. La meuf, au moins, la fille, elle verra que t'as des couilles. Oubliez. Gros bisous, mon gars, je t'embrasse. blind test avec Piet qui est en coureur de. J'en ai marre d'ailleurs, je peux pas l'enlever là. C'est notre Xavier Rouquin qui va faire. Le juge, ouais. Qui va faire le juge. Très bien. Aller voir Coé. Ah là oui, alors. Ok, d'accord. Attention, hein, ouais. Vérifie que Coé triche pas. L'instant qui est, ferme-le. C'est bon, c'est éteint. Éteint. Téléphone devant. Bah, confisque, mettez le confisque. Vas-y, prends les téléphones. Prends tous les téléphones. Quoi, rien. Elle a pas, il est au standard, Stouff. Mais elle est passée derrière la console, elle a peut-être vu les titres. Ah, yeah, ça non, y est, ça y est. Et plante ça parce que dans la fois, j'ai rien affiché. Elle m'a fait le coup, elle regarde. Tu regardes, toi. Je regarde pas, mais qui se commence. Alors, Guillaume Stage. Julie partait avec un point en moins. Non, vous allez tout m'enlever parce que vous faites le plan sur moi, vous faites rien. Je veux plus rien devant vous. Voilà. Moi, je garde le conducteur quand même. Voilà. Pas besoin pour le jeu. Voilà, moi de toute façon j'ai retenu les titres. Donc, ouais, moi aussi. Est-ce qu'on peut savoir le thème par contre? Alors, c'est tout le temps chansons de filles parce qu'on fait la revanche. Par contre, c'est que des chansons chantées par les filles. Donc c'est que des meufs. Ouais, mais c'est non, que des filles qui chantent. J'y connais rien. Mais ah bah oui, mais c'est la revanche. Ouais, c'est la revanche. Mais pas ça. Ah mais tu crois qu'on a un. Mais regarde là, l'autre elle est déjà à bloc, elle les connaît. Dès qu'on entend une merdouille, la dernière fois elle connaissait tout. T'as cru qu'on allait te faire un blague des années 80 la prochaine fois si tu veux. Pas de soucis. Pas maintenant. En tout cas, on fait la revanche. Non, mais c'est pas. Ça sert à rien de faire les blind tests avec 80. Chaque fois t'as 10 points d'avance. Oui. Non, il en aura pas la prochaine fois. On y va. Premier. C'est quoi le. Il y a moins un pour Coé, moins un pour Julie. Je viens de le dire. Spécial fille, chantez pas. Non, c'est plus un pour moi. Celui qui perd, il a quoi? Ah oui, je sais pas. Celui qui perd, il a quoi? Guillaume. Ouais, et alors c'est des. Oh, ton micro. Il est allumé. Eh, le son. Oh là là, le son, le micro. C'est pas possible, les gars. C'est pas mon genre de pas allumer. Bon, bah, tais-toi. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ouais, je voulais dire que. La sentence, ouais, c'est des bandes dépilatoires. Mais non. Des bandes de cire. Ouais, des bandes de cire, ouais. Ça met deux mois à repousser. Ça déconne pas, ça. Je les ai chauffés pendant toutes les missions. Non, puis j'ai. C'est ça ou c'est une chaussure à talons hors sort? Ouais. Arrêtez, j'ai des missions à faire bientôt. Vous pouvez pas faire ça. Bah, tu vas pas perdre. Il ressemblait à un hindou. Les chansons de Nana. Mais pourquoi tu perdrais? Non, mais c'est pour moi, Coco, tu sais très bien que je vais pas y arriver. Chanson de Nana, je dis. Mais bon, je pars avec un point d'avance sur toi. C'est et attention, bien. Jimmy, il a enlevé son micro, il parle à personne. Ah ouais? Ah ouais. Et toi aussi. Ouais. Toi, psycho. Je te vois faire un mouvement de tête. Je te vois. Hey, je te. C'est lui, regarde. C'est lui, regarde. Dégage. Je fais rien du tout. Dégage. Et on est d'accord, moi j'ai plus un. Quelle bande de tricheurs. Bah si on l'a dit. J'ai mis plus un pour Guéguet. C'était une vanne. On l'avait dit. Non, c'était une vanne. C'était une vanne. Vous avez moins un. Oui, ça c'est pas une vanne. Moins un pour Coé, moins un pour. Oui, tu le dis encore une fois, je te jure, je te tape. Bon, on y va. Allez, on y va. Jello. Non. Non, pas Monica. Step, l'autre. Step, tout. Oui, step, tout. Alia. Ouais, c'est ça. Non. C'est ça ou pas? C'est ça? Oui. Ah bah oui, tu connais Alia. Ah si, c'est connu. C'était bien celui-là. Non, moi je la connais, mais je connais pas le. Ah, bon, qu'est-ce que suivante. Suivante. Non mais attends, t'emmerdes pas. Ça va se finir entre nous là. Vas-y. Allez, coupe. Adèle. Personne m'a aidé. Ouais, attends. Tu viens de prendre ton joker de suspicion, Julie. Je te jure que non. Tu viens de prendre ton. Je passe à zéro, Julie. Je passe à zéro, les gars. Ouais, là, et depuis tout à l'heure, je me dis, Adèle, elle va arriver. J'attends la guitare, j'entends le tchung tchung tchung. Tu reconnais, franchement. Daft Punk. Je vais dire David Guetta. Bon, vas-y. Allez, Alicia Keys. Ah oui. Tu repasses à zéro, t'en tiens pas. Ok, donc Coé passe à zéro. C'est bizarre, dit comme ça. Coé passe à zéro. Bon. Je le sens très mal, ce blind test. Moi aussi. Christina Aguilera. Ah, bien joué. Ouais, mais c'est bon, les titres ont 50 ans aussi. Toutes les chansons. Non, elle vient d'arriver. Mais les titres, ils ont 50 ans. Elle vient d'arriver. Ah, oui. Elle souffle, c'est bon, elle a gagné. Mais elle a qu'un point, ça va. Elle va tout mettre. Attention. T'as que des trucs de vieilles chansons. Bah oui, et tu peux mettre plus fort. Que des trucs de MILF. Ariana Grande. Oh là là. T'es en train de parler. On n'était pas prêts. Tu trouves Ariana Grande sur la 2 secondes. Je vais vous rappeler que j'ai une fille à la maison qui met du Ariana Grande. Donc mais si tu prends quand même ton joker de suspicion. Ouais, j'avoue. De suspicion de quoi? C'est bizarre quand même. T'es à ma place. Non, y'a rien. De suspicion de quoi? Ok, un point, vas-y. Le mec, il met pas un point. Il fait. Attends. Oh là là, mais arrêtez. C'est qui ça, Tatou, les deux Russes qui se foulaient des pelles. J'adorais ça. Moi, depuis tout à l'heure, je suis prêt avec la mer noire à dire Lady Gaga. J'adorais ce titre. Que ça va tomber, hein. J'adorais ce titre. Tu veux pas mettre des titres connus? Tal. Je valide pas ce titre. Pourquoi? Parce que il a été... Je suis dos au public, les gars. J'ai entendu aussi. Ils ont soufflé. Ils ont soufflé. Tu vas te faire épiler les gaguettes, ça sera bien fait pour ta gueule. Ne soufflez pas comme ça. Ça veut dire que tout le monde en a profité, j'ai juste été plus rapide. Par contre, si vous soufflez, vous pouvez souffler mieux que je vous. Non, mais tout le monde a entendu, ça veut dire. Donc je suis juste le premier à avoir dit. Tu tournes le dos, parce que pas le public t'aide, ça se trouve. Mais ils t'aident, ils font. Eh ben, je m'en fous. Non, tout le public se tourne. Rentrez chez vous. Oui, parce que ce serait moins fatigant. Titre suivant. C'est moi qui l'avais dit en plus. Là, Koé est à égalité avec Stouff. Bah alors, Koé sort. 2 points chacun. Je gagne. Les gars. Julie, t'as 0. Bah oui, je sais. Oh, la bande épilatoire pour Julie, Guéguette, fais-moi un point. Mais non, Pietre, il a 0. Donne-moi une réponse aussi. Koé, t'as tout. Ah non. Ah non, les gars, j'aime pas ça. Elle me donne le point. Putain, je confonds toujours avec Video Kills the Radio Star. Lumière. Arrête, ta gueule. Sacha, Salle Marina Kay. C'est point pour Koé. Sacha, c'est ça qui était qui. Je me suis trompé, putain. Sacha, c'est la meuf que j'ai appelée Marina Kay pendant 1000 ans jusqu'à ce qu'on me dise Sacha. Ouais. Donc, moi, tu sors alors. Oui, t'arrives à 3 points, tu peux sortir. Bon. Ok, c'est 3 points. To myself. Céline Gomez. Bien joué. Bon, on se dit le dernier titre. Pierre, t'as 1 point. Guéguette a 1 point et Julie 0. C'est pas le dernier, c'est 3 points, les gars, on a dit. En 3. Mais attends, le problème, c'est que s'il y a une création. Moi, je connais les titres, mais je connais pas les meufs. S'il y a un truc épilatoire, qu'est-ce qu'il y a épilé chez les sourcils? Ouais, si regarde, elle a plein de poils sur les bras. Je les ai pas fait. Et surtout, je déteste la cire, je suis allergique. Non, mais. Grave, toi. Ouais, vas-y. Tu vois. Shakira. Bien joué. Non, c'est pas la tortue. C'est Waka Waka. Donc t'as mal triché. Elle a fait des chocards de suspicion en plus. Excusez-moi, coupe ça. J'ai pas triché, les gars. L'autre, elle entend une chanson, c'est pas la bonne. Elle fait Shakira au bout du web. Elle se trompe de chanson. Non, s'en fout, c'est pas le titre, c'est la meuf qui compte. Je valide. Je valide. Merci. Mais tu valides rien du tout. Si il a raison, il valide. Je valide ce titre. Regarde comment elle pleure. Regarde comment elle pleure. Ça veut dire qu'elle a triché. Tu vas valider ta mère. Non, arrêtez. Parce qu'ils veulent pas se prendre des bandes de cire. Ouais, c'est plus drôle honteux, si c'est madame. Les gars, arrêtez. Moi, je dis, on arrête là. Mais oui. Non, on arrête pas là. Julie, 0. Un point, tu mets un point. Ah non, mais elle est déjà un point. Ou je te l'enlève ou je te le marque, je te le mets pas. Parce que écouter un titre, dire Shakira a commencé à chanter une autre chanson que j'enlèverais. J'ai chanté Waka Waka, c'était la torture. J'ai la preuve, s'il vous plaît, j'ai la preuve. Regarde la tête de Stouff de coupable. Ouais, si. Alors, elle a les larmes aux yeux. Non, moi, je l'enlève. Zéro. Bah, me mets pas le point. Ne me mets pas le point, mais c'est le premier arrivé à 3, je lâcherai pas la tête. Franchement, moi, j'avais vu elle. C'est dans un même temps, on s'en fout de ton avis. On y va. On est à 0. Ça va aller vite. Défonce-les. Lady Gaga. Non! Hey, Chalm! Chalm! Point pour Pietre! En Pietre, il a 2, c'est ça? Là, on peut sortir Pietre. Bien! Guéguette, 1 point, Julie, toujours 0. Non! Eh, hey, regarde-les pas! Bah, ils jouent rien. Tu viens de les regarder, ils vont t'aider. Tu sais, on n'est pas encore par la pensée. Hein. Regarde-moi. Mais calme-toi! Hey. Mais ça m'énerve! Je triche pas! Vous m'énervez, je triche pas et au final vous me trichez. Faites perdre pour. On enlève les casques. Je triche quoi? On enlève les casques. Destiny Child. On l'a déjà dit. Ah mais c'est mieux. Mais t'as pas le droit de mettre deux fois les mêmes. Guéguette, on fait tout ce qu'on peut pour toi. Ok. Bah, on m'a rien dit. Guéguette, moi je suis prêt à tenir l'émission jusqu'à minuit si faut. Tu gagnes. Donc je propose qu'on départage sur ce point. Sur un titre. Allez, sur le dernier, sur lui-là. Regarde-moi. Eh, j'ai pas triché, le premier. Regarde-moi dans les yeux. Calme-toi, la facochère. Je sais qu'il triche. Même pas en plus. Je veux pas me prendre une bande de cire, j'aime pas ça. Vas-y. Ah, moi non plus. Au revoir. Britney Spears. Ouais. Yeah. C'est ça. C'est ce qu'on a pu. Parce que... C'est en 3 points, elle a dit depuis le début. Non, non, non, mais... Si, si, si, si, c'est en 3 points. Guéguette, rappel des scores. Coco, number 1. En plus, j'avais plus 1 à la base, donc à égalité. Avec Mastouf, à égalité, bravo, on est bien. Et puis après, c'est de la merde. Bon, après, c'est bien. J'ai de la mettre, là. Bah, ma bite, ouais. Non, non, je prends la chaussure à ressort, ce moi. Est, ce qui est génial, c'est que quand on entend je vais te la mettre, ça fait marrer. Non, Stouf, que sur des phrases de cul, je vais te la mettre. On rigole pas pour ça. Pourquoi tu veux pas les bandes de cire? Bah, ça va pas ou quoi? J'ai déjà pas beaucoup de poils, vous allez tous me les enlever. Sur un ressort, c'est un coup avoir une marque pour la soirée. Mais ouais, hein. Vu que t'es le gagnant, je te propose de lui faire. Ça m'embête. Hein. Ça m'embête. Fais-le avec le talon alors. Mais non, pas avec le talon depuis le début, on dit non. En plus, ça appartient à un copain, faut que j'aille lui rendre. Donc, vas-y, viens. Non, mais arrête, ça va te faire mal. Bah, je sais. Ah, il a fait pire que ça. Mais non! J'ai déjà fait une fois, ça a mis 2 mois à repousser, c'était très chiant. Alors on partage en deux. Tu fais une chaussure à ressort et Julie elle fait un bras. Voilà, j'ai gagné. T'as les bras dégueulasses. J'ai gagné. Non, j'ai gagné. T'as les bras dégueu, Julie. Je n'aime pas ça, les bras. Elle a dit oui. Elle a dit oui. J'ai gagné. Elle a dit oui. Non, t'as pas gagné, c'est limite, t'as limite. Tu as triché. Non, elle a gagné. Parce que le Shakira regarde comme elle ment mal. Regarde. Même sur le Britney Spears de la fin. Sûr que non. Vous êtes mauvais joueur, franchement. Mais Stouf, elle lui a dit Britney. J'ai rien dit. Pas bien, c'est pas bien. T'as triché. Je n'ai pas triché. Julie, regarde-moi dans les yeux. Non, parce que tu me fais rire. Non. Dis-moi, j'ai pas triché sur Shakira. Je n'ai pas triché sur Shakira. Je te jure que je n'ai pas triché sur Shakira. Mais maintenant, pas. Dis-moi, je suis passé chez Soch. Je suis passé chez Soch. Ah, t'arrives pas, t'as triché. Voilà. C'est un test, ça. Quand t'arrives pas à le dire, c'est que t'as pas la conscience pour toi. Non, je fais pas ça. Ok, Julie, t'as ton bras. J'ai peur, franchement, j'aime pas. Ah, sinon, on te le lance dans les cheveux. Écoute, dépêche-toi. Hein. Ou la moustache. J'ai gagné. Et elle est pas assez grande, la bande. Et lui, il s'en sort, il fait quoi, là? Moi, j'ai pas triché, j'ai ma conscience. Chaussure à ressort. Bande de cire. Chaussure à ressort. Bande de cire. Bande de cire toi-même. Bande de cire. Bande de cire. On est foufou, nous. Je sais pas le faire. Ah, voilà, c'est fait. Je te jure, j'aime pas. Mais c'est rien. Mais lui, il sait pas le faire. Mais voilà. Non. Arrête, non, j'aime pas ça. 3. Putain. Non. Faut faire des échappements. Oh, le joli bruit. Tu sais qu'il y a plein de gens qui le font tous les jours, ils hurlent pas comme ça dans la salle de bain. Mais moi j'aime pas ça. Guéguette, chaussure à ressort. Je vais devenir toute rouge. Attends, mets-toi au micro si tu veux. Je suis allergique. Ça ne passe pas pour rien. Tu la tiens bien, c'est toi qui la tiens. Je la tiens comment? Bah, faut qu'on essaie. Je la tire vraiment comme ça. C'est sans accident, les gars. Essaye dans le vide. Je la tire vraiment comme ça. Voilà. On va essayer comme ça, ça a l'air bien. Attends. Le front. Hein. Ouais, le front. Le front. Plus que le... Non, plus que la tête. Ah, mais l'autre fois, je me suis pris un truc dans le nez, je me suis cassé le nez. Attention. Ouais. Pas mal. Ah, ça fait mal. C'est pas mal. J'avoue, ça fait plus mal. Bienvenue chez nous, en tout cas, si vous venez d'arriver, on est sur Énergie. C'est ce qu'on a. Quand on fait des blind tests, on aime que ce soit nickel. Et on en a marre des gens qui trichent. C'est vrai. Et le coup de Shakira, toi, je n'ai pas triché. Mais arrête. Je n'ai pas triché. Dis-moi, je suis passé chez Soch. Je suis passé chez Soch. Tricheuse. Allez, à tout de suite, on est sur Énergie. J'espère que tout va bien. Sur scène, ils mettent le feu. Très très beau spectacle. C'est génial, j'ai jamais vu ça. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous en ce moment au Palais des Sports de Paris avec Énergie. It's music only. Il s'appelle Brice, il vient de Nice et il reprend du service. Ici, c'est pas ton spot, c'est celui de Grégor Dosgore. D'accord, lui, que méchant, quoi. Et quand il allonge le bras du nord-ouest au sud-est sans toucher la Corse, c'est la casse XL. Tu m'as bien regardé, là? Ouais, d'ailleurs, j'aimerais bien voir ta gueule, mais juste un soir pour Halloween. Brice 3. Parce que le 2, je l'ai cassé. Mercredi au cinéma, avec Énergie. Bon, pour cette soirée de Champions League, on attend Beansport sur tous les terrains. Alex, c'est toi le meneur du jeu. Avec Lyon et Monaco en exclusivité, on veut te voir à fond, ok? Ok, coach. Real, Bayern, Barça, Arsenal, on est sur tous les matchs d'arène, tous les buts, compris? Yes, sir. Allez, les abonnés seront aux premières loges sur Beansport. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur Beansport. Avec demain, Olympique Lyonnais Juventus et CSKA Moscou AS Monaco, en direct et en exclusivité sur Beansport. Voir conditions sur beansport.com. Leclerc. Plus que quelques jours pour profiter des super pouvoirs d'achat Leclerc. 50% de tickets Leclerc sur le café Senseo en dosette. Ah ça, il adore. Les dosettes et aussi le ticket Leclerc. Du 18 au 29 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le paquet de 48 dosettes plus 6 gratuites de café Senseo variété au choix est à 4,75€, soit 11,39€ le kilo, avec en plus 50% ticket Leclerc. 20 modalités dans les magasins participants. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Tremblay Gaulois,

peut-être que vous avez regardé quand elle était Violetta. Ah oui. Elle s'appelle Tini, elle sera notre invitée. Fifth Harmony seront là. Julianne Paretta va passer. Et mercredi, émission de ouf avec Black M. Et cette semaine, je viens chez vous faire toc toc toc avec Tal. On a le temps pour faire quoi, Julie? Tu peux faire une petite info si tu veux. Ah, mais on a. Avant qu'on ait Mathieu. D'accord, c'est qui Mathieu? Mathieu, c'est un auditeur. Qui d'accord. A un petit souci, vous avez vu que ce qu'a dit Barack Obama, parce que Barack Obama, il en a plus rien à foutre hein, maintenant. Ouais, du tout. Ouais. Barack Obama, tu aurais-tu mal à la tête? Un peu, j'ai une bosse. Ça va? Barack Obama a dit que dans son autobiographie, qu'il avait déjà fumé de l'herbe il y a quelques années. Mais non! Si. Et il a dit que sa consommation de drogue ne se limitait pas à quelques pétards. Écoutez-moi bien l'exemple. Quand j'étais adolescent, j'ai pris de la drogue, j'ai bu et j'ai testé après tout, à peu près tout ce qu'il y a sur le marché. Wow. C'est ouf, non? C'est dingue. Mais il sait qu'il va plus être président, donc il se lâche, quoi. Ouais, il mais il s'est lâché un peu. Il est hyper cool comme président. Ah, il est cool. Bah, il l'a pas dit au début, hein, qu'il a testé toutes les drogues. Hein, il le dit maintenant. Hein. C'est sûr. C'était pas sûr. Dans son programme à la base. Non, au début, c'est pas testons toutes les drogues, soyons cool. Non, il l'a pas dit. Hein. J'espère qu'il a pas dit ça à visage découvert comme ça. Tu crois qu'il l'a dit comme ça hein? Bah, je sais pas s'il a déclaré. Moi, j'aurais été lui, je l'aurais fait masquer. Pourquoi? Obama masqué. Obama masqué. Pourri. Dans un instant, je vais peut-être sortir moi-même du studio. J'ai l'impression que la compagnie créole ne dit plus rien à personne. Non. Quoi non. Mais est-ce que les demande aux auditeurs s'ils connaissent? Vous connaissez la compagnie créole? Merde, dans les mariages. Mais dans les mariages. Tekalekatam. C'est comme Claude François. On n'a pas connu Claude François, mais ça passe toujours dans les mariages, ces trucs-là. C'est vrai. Et l'autre, là, viens danser. Gilbert Montagnier. Sous les sunlights. Ben alors, voilà, ah. Gilbert Montagnier, ça fait partie de ces trucs encore, tout pourris qu'on quand on les réécoute, et ben on chante dessus. Ouais. Voilà, ça me fait kiffer tout ça. Qu'est-ce qu'on fera dans un instant, Julie? On aura Mathieu. Mais il est toujours pas en ligne, Mathieu. Allez, les amis, je m'adresse à Stouff, je m'adresse à Mika. Mathieu, on attend Mathieu. Mathieu est un auditeur. Mathieu, tu vas voir, Mathieu arrive, il a le même Mathieu problème arrive. Que toi, en fait. Quand il fait froid, il a pas envie de faire l'amour. Trop beau. Ah, d'accord. Okay. Bon. Bah, c'est bon, alors. À tout de suite, on arrive. Je vais kiffer ce moment-là. Et cette semaine aussi, toc toc toc, qui c'est? Bonjour, c'est Tal. Ah oui, c'est cette semaine. Je crois que c'est cette semaine que je vais débarquer chez quelqu'un qui s'est inscrit pour que je vienne avec Tal à la maison. C'est ça. Ah, c'est bien. Ouais. Ça me fait kiffer de venir distribuer de l'amour. Dans quelques jours, Fifth Harmony aussi sera nos invités. On a une grosse semaine. On a une très grosse. Ouais. Dans cette manière générale. Dans cette émission, n'hésitez pas à dire, vous aimez bien l'émission de Koué, vous direz oui, ils en ont une très grosse. Voilà. On a une très grosse semaine. Bah oui. Vraiment, elle est très, énorme. Très grosse. Énorme. Ouais. Bon, ça va, Stouf? Avec. Qui c'est? Dis, présente-moi celui qui attend au téléphone depuis deux minutes. Il s'appelle Mathieu. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Il a quel âge? Ça va, Mathieu? Salut, Koué, salut, Mathieu. Monde, ça va, vous? Ça va, mon gars, bienvenue sur Énergie. Oh, t'as le téléphone qui grésille. Mathieu? Oui. Je t'écoute. Quel est le problème? Ah, Mathieu, il a un gros. Attention, je viens de voir, il a un gros problème. Mathieu, il a un gros problème? C'est problématique, effectivement. Quel est ce souci? Le problème, c'est que dès que l'hiver arrive et qu'il commence à faire froid, alors c'est vraiment, je pense, spécifique. Je sais pas si ça arrive à plusieurs gens, mais moi, j'ai plus du tout envie de faire l'amour dès qu'il fait froid. Ah bon? Et même si je suis à l'intérieur qui a le chauffage, comme je sais qu'il fait froid dehors, mais ça me coupe toute envie. C'est le syndrome de la tortue. C'est comme la tête, il y a ton zizi, il rentre à l'intérieur. Dès qu'il fait froid. Ça fait rire Stouf. Merci Stouf, tu dis dès que ton zizi rentre. Ouais, enfin, dès qu'il dit zizi déjà, ça, je crois que oui, tu mets zizi dans une phrase. Voilà. Voilà. Mathieu, Stouf, t'es un peu excité au téléphone ou quoi? Ah bon? Ouais, mais il fait froid donc j'ai quand même pas envie. Voilà, non, mais Mathieu, t'es. Dès que tu parles de sexe, Stouf, elle est morte de rire. C'est la seule nana que je connais, tu dis le mot zizi. Bon, Mathieu, qu'est-ce qu'il a ton zizi avec le froid? Bah, rien, tout va bien, mais c'est juste l'envie qui est plus là. Alors, est-ce que je peux vous faire une t'as confidence? T'as moins envie quand il fait froid, c'est ça en fait? Ouais, exactement. Je vais vous faire une confidence. Moi, c'est l'inverse. Ah ouais? T'as plus en envie en été, quand il fait chaud, je n'ai aucune libido. Là, cet été, là, quand il a fait beau, il faisait très chaud dans Paris. Franchement, je vous le dis, j'ai pas du tout envie de me mettre sur un lit et de faire l'amour alors qu'il fait 35 degrés. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Pas du tout. Je sais que je vais avoir chaud. Ça va être trempé. Je sais qu'il y a des gens qui disent ah, c'est excitant quand c'est trempé. Non, je trouve ça dégueulasse. Non, pareil. T'as envie de reprendre une douche. Alors que quand il fait frais comme en ce moment, t'es bien parce que t'as moins chaud. Ouais, tu te couettes, faire des coquineries. Tu ouvres la fenêtre et tout, bam, tu repars, tu rafraîchis la pièce et tu repars. Je trouve ça que tu es d'accord aussi. Tu ouvres la fenêtre l'hiver et tout. Ouais, je trouve que c'est plus sympa de faire l'amour. Tu vois, par exemple, des fois, il y a des gens quand tu es en combinaison de ski. Pietre, il l'a déjà fait. Oui. Là, il n'y a personne sur le ski, t'es sur le côté, tu regardes sur la piste, tac, tu sors ton truc, tu fais un truc deux minutes. Ouais. Petit quickie. Dans les œufs, c'est rigolo. Voilà, vous allez me dire, il fait très froid. Oui, mais le fait de faire ça, il fait très froid, mais ça te réchauffe un peu cette partie-là. Tu vas pas le faire une heure, sinon tu kiki. Tu sors pas ton kiki quand il fait moins 40. Non plus, sinon il gèle. Hein. Ouais. Enfin, il est dur, mais c'est pas là. Il est gelé. Moi j'aurais du mal, ça serait un challenge pour moi de faire ça au ski dans la neige. Pourquoi? Mais tu t'allonges pas nu dans la neige non plus. Je suis tellement frileuse que j'arriverais pas. Mais t'aurais qu'à juste baisser par exemple le petit pantalon. T'aurais juste. Souviens-toi dans la piscine chauffée avec la neige autour. Là oui. Avec la petite vapeur et tout là. Eh, on était pas bien quand ce mec. Ouais, on l'a fait tous les deux. Si j'étais là les gars. Ouais, mais c'est pareil. Le problème c'est que toi t'as fait pipi dessus. Oui, je me rappelle que c'était pas très sympa pour moi. Réchauffé. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a fait des émissions dans des endroits sexy, dans des endroits jolis, et ben on était que entre potes. Ah oui, bah les gars, comment on Et c'est dans ces moments-là on se dit ouais. Qu'on avait demandé des stagiaires bonnes et qu'on a un stagiaire roux. Il mange des prods. Il prend de la prod là. Non mais sérieux, c'est vrai que c'est moi l'hiver, moi ça me dérange. Moi peu importe, mais je suis plus chaude l'été que l'hiver, je crois. Ça te dérange pas la chaleur? Non mais juste, mais comme je dis, je suis frileuse donc. Ouais, mais il y a un moment. Ouais, mais l'été c'est plus facile parce que t'as des petites jupes, des petits machins, etc. Donc t'as plus envie. Enfin, c'est plus rapide, tu vois. Enfin, je sais pas comment. C'est vrai que la petite jupette qui vole un peu là avec les talons machin. T'as juste à soulever la jupe, paf. Et là, qui avec la combinaison de ski. Guéguette, hiver ou été? Plutôt. Après ce que t'as dit, c'est vrai que c'est plutôt hiver aussi. Ah ouais. Quand il fait trop chaud, j'avais pas envie cet été. Moi, c'était. Ah bah merci. Moi cet été j'ai bon en même temps j'ai pas non plus mais j'avais pas le choix et ça tombe bien que j'ai pas eu envie cet été parce que c'était très calme mais j'aurais eu envie et non moi par exemple j'étais dans les îles, j'étais à Saint-Martin et ben moi je kiffe pour le côté on mange une noix de coco, on se fait une grillade, une langouste. Mais le côté plan cul alors qu'il fait 35 degrés, il fait chaud. Moi j'aime bien. Non, ça me viendrait pas l'idée. Ah ouais. Si, moi je pense que trop chaud. Quoi qu'il y ait un petit vent qui te fait du bien, mais dès que tu rentres dans l'île, mais tu prends une bonne douche fraîche après et tout, t'es bien. Ah, je peux pas, moi quand tu fais trop chaud. Moi, tu me pas, par exemple, je peux pas faire l'amour dans un sauna ou un hammam. Ah non, ça non plus, mais il faut pas de toute façon. C'est mauvais pour le cœur. Ça glisse surtout après. C'est bien pourtant. T'as déjà fait? Ah, moi j'ai fait les deux. C'est dans le sauna, c'est dangereux. Et Hammam est mieux que sauna. Moi j'ai testé Hammam et j'ai pas réussi. Et le mec est mort. Non, ah non, mais Hammam c'est un truc de malade. Son cœur peut s'arrêter dans un sauna. Ouais, un sauna, ouais. Sauna, non, ouais, on l'a pas fait longtemps dans le sauna. Mais dans le Hammam, oui. Et c'était vachement bien. Avec la vapeur. Et c'est la vapeur la plus chaude de ta région. Ça décuple encore plus l'essence, je trouve. Ah ouais? Ah ouais. Vous étiez tout seul? Ah ouais, c'était un truc de ouf. Y'a personne avec vous? Privé, ouais. Et t'as pas glissé en repartant ou un truc comme Non. Ah ouais, ouais. Non. T'as l'air rigolo. Personne n'a jamais fait un truc libertin, mais les c'est la grande mode, les saunas et les hammams. Les hammams libertins, ouais. Jamais fait. Ouais. Non, mais hammam, tu devrais le faire, je suis sûre que t'aimerais. Ça doit être dégueu. Ah non, non, non, bah, privé. Ouais, je pense qu'il faut pas y aller à 23h quand c'est plus de temps. Faut pas y aller une fois qu'il n'y a plus la buée, tu sais. Et regardez vraiment le sol. Je pense que le fait qu'il y ait de la vapeur, c'est très bien. Ça te cache tout le monde. Non, pas libertin, mais un hammam privé, fais-le. Je te jure, bon, on a déjà fait Julie, enfin on a déjà fait des émissions, on est allé à Hammam. On n'a pas fait une émission, on a fait un Hammam une fois. Bien sûr que si. Oui, mais on n'a pas fait l'amour dedans. T'étais pas là? Non. C'est pas elle, c'était moi. C'est vrai. Ah, mais pas vu dans la vie. Toujours les deux. Et demande à Stouff, elle préfère en hiver ou en été? Tout le temps. Printemps, été, automne, hiver. Ouais, les quatre saisons. C'est une pizza. C'est elle qui a invité les quatre saisons. Bon, je te fais un gros bisou, Mathieu. Fais un effort. Mets un cache-nez à ton zizi. Et puis ne pars pas au ski. D'accord. Ouais, surtout pour pas au ski, du coup, sinon t'es mal barré. Prends une petite moufle à Zizi, t'achètes une petite moufle. Ah ouais, une chaufferette. Hop, tac, tu mets dessus. Une capote en laine. J'avais jamais froid. Ah, une capote en laine. Bah oui. Mais va dans un hammam en plein hiver. Tu feras plus souvent. Non, mais il sait qu'il fait froid dehors, il veut pas. Il veut pas. En fait, c'est une météo ambulante. Il sait qu'il fait froid, il fait non, j'y veux pas, il fait froid. On va t'aider. Gros bisous, Mathieu. Bonne semaine à toi, mon pote. Bisous, ça. Je t'embrasse fort. Bienvenue sur Énergie. J'espère que tout va bien. On est lundi. Moi, qui sont vous, qui sommes unis à vie pour le meilleur et le bonheur. Un autre ailleurs, quelle est ma vie? J'ai besoin d'amour comme tout le monde. J'ai besoin d'aimer pour survivre. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. Comme tout le monde. Parce qu'on est rien. On est rien. On est rien. En place, ni mon histoire, ni les espoirs qu'on se partage. Moi, sans vous, quelqu'un parmi la foule, une vie sans plus, une vie de plus qui se déroule. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. J'ai besoin d'épée pour peut-être le moment de faire le retour de Daniel. Ouais. On a le temps ou pas? Ouais, ouais, on a le temps. Et je me demandais si on appelait une gendarmerie avec Daniel. Ah ouais, on peut faire des vannes à la gendarmerie? Non, là, on a le droit, ça. On a un numéro masqué, non? Oui, enfin bon, ça va pas être masqué longtemps, parce que si tous les gens qui font des canulars masqués, ouais, la gendarmerie dit « Ah, oh, on peut pas les retrouver, ils sont masqués ». Ils ont pas que ça à faire. Mais non, il y a des terroristes, ils nous ont appelés, ils étaient en masqué. Masqué, ah, c'est on dommage. On a pas pu les retrouver. Tu crois qu'on va être retrouvés? Hein? Comment elle a dit ça? T'as vu ça? Tu crois qu'on va être retrouvés? Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà essayé une ou deux fois en antenne. Ah, gendarmerie, bon, c'est pas. Ça marche bien. C'est vrai? Ouais. Ah bah faut le faire, les c'est gars. Sérieux, on n'arrête pas en antenne, on c'est fait, vrai on fait bon, tout. Alors les... il faut que vous trouviez ouais, une petite gendarmerie. Ouais. Hein, la gendarmerie. Dans le fin fond de la France, ouais. Ouais. Vous en avez trouvé une? Alors, on y va. Non. Silence. Ils nous entendent plus. Mais nous, ouais. Ah d'accord. Mais nous, oui. Bonjour, vous êtes en communication avec la gendarmerie. Allô? Eh hey, monsieur. Oui? C'est comment votre nom? Pardon? Allô? C'est qui à Tarai? Bah, qui demandez-vous, monsieur? Ça fait comment, c'est... toi? Pardon? Ça fait comment, toi? Vous m'appelez pourquoi, monsieur? C'est vous qui m'appelez. Comment? L'application, parce que... Ça va aller plus que trop, bientôt. Ça fait comment, toi? C'est pourquoi, monsieur? Hein? C'est pourquoi? Je veux l'adresse. Ouais. Ah, allez, vas-y. Ouais. Bon, une bonne journée, monsieur. Arrêtez de la faire comme ça. Elle a craqué. Ah ouais, elle a craqué, elle n'ose pas parler. Mais elle est de bonne composition, hein, parce qu'elle dit rien. Ouais, elle ne gueule pas. Il y a des gens qui parlent. On change. Hop. Vas-y, on change. On fait une autre gendarmerie. On va en trouver une bonne gendarmerie. Une gendarmerie. Mais du coup, quand ils entendent gendarmerie, ils sont obligés de rester un mais peu. Mais oui. La gendarmerie. Commissariat des Coudins, bonjour. Eh, hey, monsieur. Allô. Ah, je les ai branchés directement. Nous, on est branchés directement, je ne demande rien. Comment? C'est comment votre nom? Vous êtes qui, monsieur? Vous appelez pourquoi? Hein? Vous êtes qui? Vous appelez pourquoi? Non, non, hé, j'aime pas quand même les gens comme ça au soir. Monsieur, c'est le bureau de police des Codards. Vous appelez pas. Pourquoi? Non, non, t'arrêtes d'appeler comme ça, monsieur. Allô? Hein? Allô? Ouais, ouais. Allô? Je veux l'adresse. Je ne comprends pas, monsieur. Je veux l'adresse. L'adresse de quoi? À Paris. Je l'ai pas, merde. Allô? Je l'ai pas, le à Paris, il est où? Je l'ai à Paris. Ah, fais chier, putain. Ah, merde. Le à Paris, je l'ai pas trouvé. Ah, m'énerve. Mais c'est dur comme exercice à faire. C'est horrible, ouais, parce qu'il y a plein. Et fait, le c'est pas vrai, il est vraiment bien. Mais le oui, c'est mais pas vrai, c'est un menteur. Mais ça marche mieux que les renseignements, parce qu'en fait, les renseignements, ils vous demandent un nom. Ouais, bah, refaisons le 118. Allez, bah, faisons, après un essai gendarmerie, un 118. Allez, bah, le 118, ils vous demandent des noms, donc c'est plus facile. Ouais. Enfin, je dis ça, t'es plus à l'aise avec eux, en fait. Mais non, c'est parce que les gendarmes, d'un coup, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Bienvenue au 118-818. C'est quand même une très bonne si vous êtes un consommateur, c'est un pour nos tarifs, 118-818. Tapez 1. Sinon, merci de rester en ligne pour joindre un conseiller. Mais... donnez-moi un homme. Oui, voilà. Bonjour. Voilà. Eh, hey, monsieur. Qu'est-ce qu'on avait le choix? Oui. J'ai qui à l'appareil? Oh, oh. Ils nous connaissent, ça y est, c'est mort. Mais non, oh, c'est pas possible. On peut plus jouer, ils ont dû avoir une consigne. Ouais. Mais non, refais. Ah, c'est pas gentil. Daniel est célèbre. Ah, Daniel devient le mec le plus célèbre du monde, il veut plus demander de numéro, Daniel. Et si tu commences en parlant normalement, après c'est Daniel qui parle. Pour nos tarifs, tapez 1, un conseiller va vous répondre. Oui, ce sont les UT Solous, bonjour. Hein? Ouais. Hé, monsieur. Oui. C'est comment votre nom? C'est Coué. Sébastien Coué. Ouais, ouais. Allez, t'as grillé, prends-le. Sébastien Coué. Il a raccroché. Ah, c'est pas. Bon, ben, rappelle-le. Tu déconnes, mais Julie, rappelle-le, il n'y a pas qu'un mec qui décroche. Mais si, regarde, on l'a eu deux fois de suite. Mais non, c'est pas lui, la deuxième fois, c'est un autre. Ah, c'est pas le même, non, il avait la même voix. Il n'y a qu'un mec, Julie, il fait tous les renseignements de France. Mais il avait la même voix. Mais oui, mais c'est un autre mec. Bon, allez, on a essayé. Bon, gendarmerie, non, mais ça marche bien. D'accord, ouais. On refera la prochaine fois. Ouais. Restez avec toi, Audessur Énergie. Bougez pas. Allez, à tout de suite. J'adore, moi. Hein, que t'es bon, mon Daniel. Ouais, si, t'es bon. Non, c'est pas vrai. Si, t'es bon. Non, je suis pas menteur. C'est bon, à tout de suite. Une seule radio joue tous les hits. C'est Énergie. I know I can treat you better than he can. And any guy like you deserves a gentleman. And I

il est bon. Il est bon ce titre de Snake et Bieber. Koué, 19h-22h sur Énergie. Venez nous voir, faites comme le public. Inscrivez-vous pour venir voir toutes les stars que vous aimez. Venez au studio, c'est simple, là, vous nous envoyez un mail, hein, vous mettez vous un courrier. Okay. Oui. C'est quoi, c'est... On sent des courriers encore. Hein. Ah oui, c'est vrai, du coup, vous l'adressez. Voilà. Sébastien Koué. Voilà. Voilà. L'adresse. Je veux l'adresse. 22 rue Boileau, Paris 16e. À Paris. Oui, à Paris. Non, c'est pas vrai. Si, c'est un menteur. Écrivez-nous, alors faites plus simple, koué@energie.com ou public@energie.com. Mais pour l'instant, j'ai cette info. On parlait de Justin Bieber, vous avez vu, Selena Gomez, c'est chaud, hein, ma petite Selena. Ah, elle est pas bien, elle est malade. Petite, que j'ai eu plein de fois dans l'émission et que j'aime beaucoup, ma petite Selena. Elle est malade, elle a eu un petit lupus. Je sais pas ce que c'est qu'un lupus. C'est un espèce de, d'eczéma, stress, ouais. Ouais, mais un peu plus violent. Parce qu'elle est stressée à cause de Justin. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, Justin? Parce que je crois qu'elle l'aime toujours. Ouais, et il est avec une nouvelle nana. Elle le vit mal. C'est pour ça les phases de Instagram, il s'est retiré et tout ça, c'est parce qu'il mettait des photos sur Instagram avec sa nouvelle nana. Et du coup, elle lui a reproché. Donc du coup, il s'est retiré, ils se sont embrouillés et tout ça. Et du coup, voilà. Mais ils sont un peu en phase de... Mais elle ne peut pas passer à quelqu'un d'autre sans déconner. Mais je crois qu'elle a c'est un peu marketing, cette histoire. Donc, vous n'allez pas me faire croire que Justin Bieber et les deux, il n'y a que deux dans le monde, alors que lui, il a qui il veut. Bah, et marketing, je ne sais pas, parce qu'elle a annulé 34 dates hein, dans le monde entier. Donc au niveau thune. Elle est amoureuse, hein, pour le coup. Ah ouais. Ouais, mais du coup, elle vient plus en France pour rien. Et comment on fait pour la draguer? Comment on fait? Aucune chance, les gars. On va demander en mariage. Alors, pourquoi elle s'accroche à lui alors qu'elle a un mec français qui lui a demandé? Elle a dit non. À mon avis, si elle a dit non au mariage, c'est qu'elle savait déjà qu'elle avait un lupus. Pas de... Je voulais pas que tu le saches. Je voulais pas te le filer. Ouais. Ouais, peut-être quand même que j'aille checker parce que je vais faire un petit best bank quand même. Hein, vérifier tout ça. Bon, et puis on a le sondage qui dit à quel âge les femmes alors, sont les plus. Alors, oui, non, on veut savoir. Dans une étude financée par le National Institute of Health. Et présenté la semaine dernière, des chercheurs ont interrogé 20 femmes de 45 ans à 60 ans sur leur satisfaction au lit. Ah oui. Et malgré la croyance, la plupart de ces femmes ont affirmé préférer leur vie sexuelle actuelle, même si leurs rapports sont moins réguliers. Donc après 45, donc c'est gros, meilleur après 45. En gros, elles te disent toutes que c'était beaucoup mieux plus tard, même si elles font moins l'amour, qu'à 25 ans où tu baises partout, sur tous les coins de porte, parce que c'est moins souvent, mais mieux fait. Ouais. Et à partir de 45 ans. 45 ans. Tu vois, Stouff, pour être épanoui, encore un an à attendre, tu y es. Dans un an, c'est bon. Ça commencera, là, c'est encore un peu la 45 merde. 45 ans, c'est hyper vieux. Ouais, mais je crois que c'est un peu vrai. Je crois que, je crois que c'était la quarantaine, mais je crois que très honnêtement, le sexe, quand t'as 25 ans, tu le fais pas, t'es persuadé d'être une super performeuse, où tu dis, ouais, moi je fais des trucs de folie. Et en fait, tu te rends compte que ce que tu faisais à l'époque, c'était nul. Parce que tu fais mieux après. Ouais, c'est vrai. Les nanas, par exemple, souvent elles disent ouais, je vais te faire des trucs de fou avec ma boule. Ouais, puis c'est pourri. Et puis avec le temps, tu as déjà des petites techniques, des petits machins. Tu sais comment ça marche. L'expérience. Et je dis pas ça parce que voilà. Mais c'est vrai que la MILF, excusez-moi, c'est pas pour rien que souvent c'est plus. Ouais, mais alors pourquoi vous allez voir tout le temps des petites jeunes? Qui veut voir des petites jeunes? Bah, les mecs en général. Oui, je peux voir les jeunes. Mais en vrai, t'aimes les MILF quand même. De manière générale, les mecs vont plus. C'est quand le mec, regarde, le mec qui sépare, à chaque fois, ils se remettent. Voilà. Les filles qui ont 10 ans de moins. Ils se mettent pas avec des meufs de 40 piges. Ça n'a rien à voir, parce que c'est le nouveau modèle. Voilà, c'est ça. Quand tu revends ta Clio. C'est mieux sexuellement à 40 piges. Pourquoi tu te mets pas avec une nana de 40 piges si c'est mieux sexuellement? Bah, c'est ce qui compte, non? C'est les nouvelles options, elles sont sympas. Là, quand tu vas au salon de l'auto, tu fais le nouveau, tu fais pas le salon du vintage. Ouais, tu préfères avoir une nana jeune, mais sexuellement pas forcément bien. Jeune, jolie, machin, etc., mais pas forcément bien au lit. Ou une nana potable, 40 piges, qui va assurer sexuellement. Ah, je préfère. Bah, tu me demandes mon avis? Ouais. Potable 40 ans, mais qui assure sexuellement. Ah, si elle est 25 ans, bombe atomique, mais c'est une catastrophe au lit, mais même pas je reste. Ouais. La boîte bombe atomique de ce que tu veux. Je suis surprise, j'aurais répondu. Moi, tant qu'il a de la barbe et des tatouages. Il assume totalement. C'est exactement ce que m'a dit Loris. Là-dessus, vous avez des goûts qui se rassemblent. Bon, je vous fais un gros bisou aujourd'hui. Si vous avez raté l'émission, vous avez raté un très beau blind test avec un truc qu'il faudra qu'on règle l'histoire de je n'ai pas triché. De Julie sur Shakira qui commence à chanter une autre chanson que celle qui passe. Mais bon, c'est pas grave. Je n'ai pas triché. Non, bien sûr. Je n'ai pas triché. Ah, évidemment. Non, je n'ai pas triché. Ah non, mais quelle menteuse. Je n'ai pas triché. Tu chantes une autre chanson que celle que t'as reconnue. Je n'ai pas chanté une autre chanson. J'ai dit un autre titre. C'est différent, réécoute le truc. Je dis un autre titre. Bah, c'est ce que je dis. T'entends un titre, tu reconnais. Et alors, ça t'arrive jamais de chanter une chanson et de te dire que c'est pas le bon titre. Mais ça t'arrive tout le temps. Comment pouvez-vous regarder dans la glace encore, madame, madame. Je ne triche pas, madame. Vous devriez avoir honte, madame. Vous devriez faire femme politique avec des arguments pareils. Je ne triche pas. Vous devriez avoir honte de regarder les Français dans les yeux et de leur dire des choses comme ça. C'est honteux, madame. Je ne triche pas. Parce qu'aujourd'hui, on avait tout mis de côté. Aujourd'hui, tout était réglé. On a fait un truc carré comme ça. Et qui sait qui a triché ? Je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. Eh ben, tu sais quoi ? C'est là-dessus que je vais passer cette soirée. Tu te prends quand tu veux au blind test en tête à tête. Je vais te dire un truc. J'ai presque honte de démarrer cette émission avec toi demain. Tellement quoi je vais. Ouais, parce que. Moi, la tricherie. Comment tu peux dire ça ? Stouff, dis quelque chose. Parce que la tricherie, comme. Elle a triché aussi, elle. Mais non, ça va pas. Elle a triché avec toi, d'ailleurs. Là-dessus, elle a pas pu tricher parce qu'elle connaît toutes les chansons. Non, mais pourquoi elle connaît tout et pas moi ? Parce qu'elle, elle connaît vraiment toutes ces chansons. Mais moi aussi, je connais tout le temps vraiment ces chansons-là. Comment tu t'es démerdé pour arriver avant-dernière alors ? Même moi, j'ai fait mieux que toi. Mais parce que je les chante, regardez, à chaque fois je les chante, mais je trouve pas forcément l'interprète. Non, on en reparlera demain, mais c'est bon, Julie. J'ai pas hâte d'être à demain 19h, je te le dis tout de suite. Là, là. Et le public non plus, regarde comme il te regarde là. Ah, il te juge. Ah, il te juge, c'est moche. On vous laisse avec Guillaume, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse. Ouais. Rendez-vous demain, on termine par le mot de la fin de Stouff. Aubergine. Ça passe. Si tu veux. Allez, bonsoir tout le monde, il est 22h. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur NRJ. J'ai pas fait exprès. J'ai coupé l'ordi, je vous jure que j'ai pas fait exprès. Mais je vais vous dire un truc. Je suis sous caché, j'ai la voix pour toi, je vous jure. Je suis complètement débile. J'ai oublié que j'avais un jingle à la fin, c'est quoi, j'ai entendu l'applaudissement, j'ai envoyé. Je m'excuse, quoi. Bonsoir à vous, 22h02 sur NRJ, Guillaume Radio 2.0. On est parti sur Énergie jusqu'à minuit du coin pendant 2h. On termine l'émission, on termine la journée d'ailleurs en direct. Hein. Guillaume Radio 2.0, si vous voulez venir délire avec nous, vous êtes ici, chez vous, 22h minuit. Guillaume Radio 2.0 avec le standard qui est allumé. 0870 42 48. Au 0870 42 48 et par texto. Guillaume et votre message là aussi, sans dose. On s'écoutera Hardwell. Le nouveau, il s'appelle Live the Night. Ok. On l'écoutera en entier tout à l'heure. Un plaisir. Il y a Pierre qui appelle de Swald aussi dans le 67. Bonsoir Pierrot. Salut. Il a 19 ans, il est là. Vous allez bien ? C'est qui le papa ? Quoi, c'est qui le papa ? Ça va mon Pierre, enchanté. Hein. Pierre qui est là, 19 ans. Sois le bienvenu, frérot. Merci de nous appeler. Demain, on aura Big Flo et Oli. T'aimes bien Big Flo et Oli ou t'aimes pas trop, toi, Pierre ? Ah ouais, j'aime bien. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec Brice 3 aussi. J'ai bien aimé franchement le clip. Avec Jean Dujardin. Voilà. Ouais, c'est que dans le clip, pas dans la musique d'ailleurs. Mais au moins il a fait un clip avec eux, tu vois, c'est ça qui est bien. Ils sont sympas, Big Flo et Oli. En plus, on les a déjà eu dans l'émission, c'est vraiment des. Enfin, ils sont même déjà venus chez moi et tout. Enfin, on se connaît un petit peu, tout ça. Ils sont très gentils, les deux mecs là. Donc on les aura demain, on va bien rigoler. Émission spéciale. Tu vas le voir, Brice Denis 3, toi, ou t'en as rien à branler ? Ah non, moi j'aimerais bien. Ce qui m'a un peu dégoûté par rapport à Jean Dujardin, par contre, c'est que c'est Big Flo et Oli qui étaient là pour faire la promotion, et apparemment Jean Dujardin n'était pas là pour faire la promotion du truc. Où il y avait C'est vrai qu'il a même pas voulu venir chez nous. Il est pas venu venir chez Koé. Il a mis un petit doigt à tout le monde, gentiment, mais il a même pas voulu nous laisser un message vocal. Et c'est vrai que pour faire un film, c'était un petit peu décevant aussi, mais bon, ça m'empêche pas de bien l'aimer. Et peut-être qu'il est dans une période un petit peu difficile, peut-être qu'il y a des soucis qu'on ne sait pas aussi dans les médias, donc voilà. Et peut-être qu'en fait c'est juste un enculé, j'en sais rien. Je suis pas en train de dire il a ci, il a ça. En fait, en vrai, on n'en sait rien. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et j'irai peut-être voir Brice Denis 3 si j'ai des places gratuites avec plaisir. en plus, ça avait vraiment beaucoup fait le 1. Donc on verra quoi. Tu l'as vu le 1 ou pas, Pierre? Le 1, ouais, je l'ai vu. C'est vrai, bon, bah, on verra ce que ça nous. Parce qu'en fait, le 2, il n'y a pas de 2, il a cassé, donc c'est de l'horreur, machin. C'est la vanne. Ça va, j'ai un stagiaire. Ouais, ça va très bien, Guillaume, salut tout le monde. Ça va la journée? Oui, ça va, bah, j'étais au cinéma hier soir. Ah, t'as vu quoi? Radin, avec Danny Boone. Ah, il a vu Radin de Julien, stagiaire. J'étais sûr, mais bon, j'ai. T'as eu des places gratuites? Ah non, je les ai payées, les places. Ah oui, non, j'ai pas été radin. Ah, tu m'impressionnes là. Ah non, j'ai payé mon ticket et ouais, il est bien. Tu es tout seul? Non, avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Voilà, donc c'était sympa. À qui t'as payé le billet ou qui tu n'as pas payé le billet? Que je n'ai pas payé le billet. C'est vrai? Ah ouais. Oh là là, c'est magnifique. Ça va, j'aime du standard. Salut Guillaume, ouais, ça va au taquet. Ça ouais. va, j'aime. Ouais. Tu l'as vu, Radin? Non, pas du tout. Il est bien d'ailleurs ou pas, Danny? Il est bien, mais il en fait trop. Trop radin le truc. Enfin, c'est abusé. Mais après, c'est marrant. C'est même le stagiaire, il trouve qu'il en fait trop. Ah ouais, là, c'est vrai. Oui, oui, non, mais. dans la vraie Julia. Salut Guillaume, salut tout le monde. T'as vu Radin? Non, j'ai pas vu Radin. T'as vu Brise de Nice 3? Bah non, du coup. Non, mais il y a les avant-premières déjà, ouais, c'est vrai, ouais, certaines mais... villes et tout. Ouais. Je sais pas quoi. Non, je sais pas. Excuse-moi, mais. Alors, il y a une promo qui va tourner dans les écrans pubs, comme quoi tu te vantes d'aller voir plein de films au cinéma. Ouais, mais. Cinéaste. Brise de Nice, je sais pas si j'irai le voir. Ah, c'est vrai, ouais. C'est pas. Non, mais attends, on a le droit de pas aimer tous les films qui sont sponsorisés par Énergie. Bah oui. Et on a le droit d'avoir une personnalité, de. Oui. D'aimer ou pas certaines choses. De pas aimer Jean Dujardin. Sans manquer de respect à la marque. Du moment que tu chies pas sur Énergie, on est après tu te démerderas. Non, ouais, Brise de Nice 3, non. Bah non, je sais pas. J'ai pas trop aimé le 1, donc le 2, le 3. Voilà. Ouais, j'ai pas compris ta phrase, mais. Mais t'es sans doute. Attends, ça a l'air cool. T'es... Ah, mais c'est, ouais, voilà. T'as pas trop aimé le 1. Non, je suis pas fan de l'humour. Ouais, t'as pas fait un... Elle a pas compris l'histoire. Hein. Non, mais peut-être qu'elle a le droit de. C'est un peu spé quand même. Ouais, Brise de Nice, ouais, le personnage. Ça va, Flo des cadeaux. Salut Guillaume, ouais, ça va. Il est beau, il s'occupe des cadeaux, c'est Flo des cadeaux. Il y a des PS4, il y a des GoPro. Et je vous file ce soir. Alors attention, double 8. Ah non, putain, ça rase. Il y a plein de trucs, là, Guillaume. Alors, excusez-moi une seconde. Restez connectés, ne vous débranchez pas de la radio. Nous avons ce soir une GoPro, une PS4, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Flo des cadeaux? On a le pack PlayStation VR complet, donc ça veut dire la PS4, plus le casque, plus les caméras, plus les manettes, plus deux jeux. Il y a trop de plus là. Non mais les mecs, en plus on vous file les jeux Drive Club et tout, ça coûte 99€ le jeu. Ah ouais, c'est les premiers c'est jeux. Plus cher. C'est les premiers jeux où tu peux, avec la tête tournée en fait, avec tes lunettes et tu peux voir à gauche, à droite. Ça a l'air bien en plus les jeux là. C'est. Franchement, ça a l'air énorme. Impression. Ah bah là. T'as pas mal à la tête après? J'ai des potes qui l'ont eu, ils m'ont dit génial pour l'installation. Non mais vraiment. C'est j'en ai futur. Rien à branler, que ça soit clair. Je suis pas parce que là, on pourrait croire que je fais de la bulle et tout. Non, je vous jure. On j'ai dit mes copains bien. Qui non, m'ont dit. Futur. J'ai un pote qui m'a envoyé putain, point d'exclamation. Ah, carrément. Il a essayé le truc, il m'a juste envoyé putain. Mais je vous jure que c'est vrai, vraiment. Voilà. Bah, c'est qu'il a aimé alors. C'est vraiment exceptionnel. Ouais, il paraît que c'est vraiment dingue. Et on a en plus, Flo des cadeaux. T'as le oublié de nous dire le double hit. Et qu'est-ce qu'on a gagné dans ce double hit? Eh bah, ben des places pour aller au MMA. Ça tombe ce soir. Voilà. Oui, c'est ça. On est d'accord, Jim. Exactement, Guillaume. C'est non, mais c'est vrai. Ah, c'est véridique. On a les tickets pour l'ENEMA. Ils sont là. Ouais. Alors, je sais que vous allez beaucoup nous demander des places pour l'ENEMA jusqu'au ENEMA, jusqu'au 12 novembre. Hein, ouais. Je rappelle. Dans un mois, même pas. 12 j'ai hâte d'aller voir d'ailleurs. Ah ouais. J'ai une très mauvaise nouvelle. On a le droit de le dire ou pas? Bah, j'ai pas eu de. Bah, t'as commencé à le dire. J'ai pas eu d'interdiction de le dire, mais après. Ah. Ouais. On n'a pas le droit de faire l'émission là-bas. Ouais. Pour raison de menaces terroristes costauds. Donc, ils ont annulé toutes les émissions. Tout ce qu'on devait faire, tous les dés, c'est quand même la tristesse. Ah ouais, c'est chaud. Le pays recule, les copains. Ouais, ils ont peur. Et donc, on n'a plus le droit d'aller faire des missions sur le tapis rouge. Dehors, de défiler le tapis rouge. Il n'y a plus ça. Mais il y aura toujours les NEMA à la télé, tout ça. Mais donc, on n'a plus. En plus, c'est décalé, je crois. C'est pas samedi soir. Ah ouais, TF1 n'est plus en direct. Non. Ah ouais. Danse avec des stars n'est plus en direct. Il n'y a plus aucune émission, bien sûr. À cause de ça. Ouais, comme ça, ils disent pas l'heure et tout. Oh là là. Et c'est un peu nul, du coup. Mais non, bah, c'est pas nul, en fait. En vrai, tu vois le show et tout. Après, ça soit décalé d'une demi-heure, t'en as rien à branler quand tu auras le show. Ouais. À la télé ou quoi, tu sais que c'est du condition du direct, c'est-à-dire qu'ils découpent pas, ils mettent. Ouais. Voilà. C'est juste pour pas qu'il y ait des petits malins qui se disent tiens, on va aller faire un attentat pour que ça se voit. Dans ce cas, en plus, il y a du monde là-bas. Ouais. Ouais, Donc voilà, en tout cas, on vous file les places pour les Energy Music Awards. Il y a Jul d'ailleurs qui est nommé, j'ai vu là. Je garde la foi, je suis le chasseur de la poire. Ouais, ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout va bien, hier, ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. On va rigoler. Hein. Révélation francophone de l'année, Jules. Ah, c'est vrai. Sa catégorie, ouais. Ah, putain. Avec Amir, Claudio Capéo, Jane, Slimane et Ritza. Ah, bah voilà. Ouais, Slimane, il a des chances. C'est chaud, ouais. C'est marrant. Amir, on verra ce que ça donne. Slimane, je le sens bien aussi. Ouais. Il est fort. Il est bon, Slimane. Après, Jules au NMA, t'imagines sur le tapis rouge. Ah, j'aimerais trop. S'il arrive en tombe chaussette. Ah, ouais. S'il vient en tombe chaussette, le Jules. Et le KX1Y, c'est la motocross qu'on élève. Ça, ouais. Voilà, le KX1Y, c'est une chanson qu'il a faite. Mais ouais, carrément, ça serait bien. Énorme. Ça serait, moi, ça me ferait beaucoup rire, en tout cas, qui est Jul au NMA. Ah oui, mais je crois qu'il va être très soutenu. Mais Jul, c'est ça le délire. Et j'aimerais bien que vous votiez. Là, attends, il y a qui contre Jul? Il y a Ritza, Slimane. Ah, bah, Ritza, on l'aime bien. Ouais. Amir, Claudio Capéo et Jane. Ah, Claudio Capéo, je connais. C'est pas. L'accordéon? Ouais, ouais, ouais. Un homme de je connais pas perso, je m'en branle. Non, mais je vais. Non, mais je vous dis ce qu'on connaît, voilà. Ritza, très sympa. Voilà, on met tout le temps. Il y a qui d'autre? Amir. Il est très sympa, mais je connais pas. Ouais. L'Eurovision. Mais non, mais c'est vrai, il paraît qu'il est très gentil comme mec en besoin d'invite. C'est important hein, de voter, pas pour une enflure et tout. Non, mais c'est vrai, en vrai. On pense pas au ratio humain. Grave. La musique, on s'en bat les couilles. C'est important, c'est le mec que tu votes pour lui, t'es content quand il. Tu votes pour un homme, quoi. Moi, le fait de voter Jules, je me dis, putain, tu fais monter un peu les mecs de quartier à la télé sur TF1, ça me fait plaisir. Imagine Jules avec Nico. En plus, c'est vrai, je le pense. Et ça ferait beaucoup, le décalage est là. Ça qui est vrai. Si, franchement, s'il se met à rapper, ou alors PNL. Salut la Dream Team, même en vacances on est là poteau. Salut mon gosse 18, salut frérot. Salut. On vous écoute à la pêche à la carpe dans l'Aveyron, vous déchirez tout, continuez, vous êtes au top. Salut Rémi et Thomas, salut Rémi et Thomas. Salut les gars. Bonsoir à toi. Bonsoir Nico, t'as bien fait de couper le générique, salut à toi. Elle s'appelle comment la musique que tu mets pour la dédicace des métiers? C'est Denis Prigent. Voilà, c'est celle-là là. Et le classement des méthodes de mort horrible, c'est vrai que je devais le faire, ça les 4. On vous écoute de l'internat avec les poteaux. Bonsoir mon Lucas. Je t'écoute tous les soirs dans mon camion, je suis routier. Salut Vince Braise. Bonne salut route. À Guillaume du 7-4, trop cool de vous écouter, vous déchirez toute l'équipe. Salut à toi frérot. Je t'écoute tous les soirs dans mon camion. Au collège de Sénon, vous êtes les meilleurs. Salut mon Joule. Je devais perdre ma virginité ce week-end, mais mon vagin s'est pris pour Gandalf. Il a hurlé, vous ne passerez pas. Passez à la non, place. Non. Hey, laisse ton numéro. Viens nous raconter. Bon, et mon Pierrot alors? Pierrot, il a 19 ans. Ouais, c'est ça. Pierrot, il a 19 ans. Il va faire quoi dans la vie, Pierrot, là? Eh ben, écoute, moi, je suis en BTS communication. Ouais. Donc, ce que je vais faire dans la vie pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais je continue les études. Je suis en alternance. Ouais. Actuellement, je suis dans une boîte qui a deux restaurants et une épicerie fine. Ouais. Et en gros, je m'occupe de tout ce qui est toute la pub, le commercial, le marketing, le recrutement. Ah, c'est bien. Ah, ouais. Ouais. C'est sérieux quoi, c'est un vrai métier quoi. Bah, j'ai eu de la chance quoi, j'ai eu de la chance d'avoir un métier, enfin avoir un métier, avoir une alternance. La chance d'avoir les parents PDG d'une boîte. Non, justement. Non, mais je plaisante. C'est un peu la galère, tu vois, c'est pas un métier, c'est une alternance, c'est-à-dire que j'ai les cours et j'ai ça à côté. Et en plus, c'est pas du tout une honte d'avoir des parents PDG, hein. Ah ouais, non, bah, ça peut aider. Attends, mais quand je dis ça, quand tu réussis dans la vie, tu travailles dur et tu peux payer des trucs à tes enfants, c'est pas du normal. Tout. Attends, il faut encourager la réussite en France. Hein. Ils font croquer les parents. Attends, mais bien sûr. Ah ouais, attends. Ils font croquer. Alors, j'ai un stagiaire. Ouais, attends, tu vas nous raconter. T'es tombé sur des mecs qui t'ont violenté, là. Tu vas nous raconter. J'ai un stagiaire. De quoi? Alors, j'ai un stagiaire. Je ne pas croquer les enfants. Si un jour t'as des enfants, plus tard. Et que tu deviens PDG d'une boîte. Ah, moi je fais croquer mes enfants direct, c'est les premiers au contraire. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah bah, non, si. Mais tu vas regarder dans ton portefeuille et tu vas leur donner une petite pièce et retourner une grosse à côté ou tu vas. Non, bah si c'est mes enfants et qu'ils ont besoin de sortir et d'oseille, bah je leur file l'oseille, franchement. Ah, c'est vrai, ouais. Après, faut penser pas qu'à soi, donc oui, je pense que je pourrais le faire ça. Ah, ouais, c'est les seuls pour qui tu seras généreux. Et mes parents, enfin ma famille, mes proches, proches quoi. Ouais. Les potes un peu, non? Si, ouais, les potes. C'est marrant, moi, les fois où j'ai été le plus généreux dans ma vie, où j'ai prêté de l'argent à des potes, et c'est plus à des potes qu'à ma famille. Enfin, si à ma famille, non, si. Mes parents en premier, bien sûr. Et mes sœurs et tout ça, mais j'ai vraiment fait preuve de générosité avec des besoin, potes pour aider des potes dans la merde ou quoi. C'est déjà aidé un pote, James Sandard. Ouais, ça m'est arrivé. Ouais, t'as aidé, ouais. Un pote qui arrive pas à finir le mois, ben voilà, il te demande 200 euros, tu lui files. Ah, c'est bien. Ouais. Et tu dis clair ou pas, non? Ouais, ben c'est naturel, tu vois. Ouais. Franchement, ouais. C'est. Moi, je prête, mais faut me rendre. Ah, bah oui, sinon. Non, ou alors, je lui dis, vas-y, si tu veux, je t'aide, je peux t'aider. Mais quand tu me dis prête-moi, c'est prête-moi. Parce que c'est pas la même somme que tu prêtes. Ouais, c'est donné ou prêté. La plus grosse somme que t'as aidé, James. C'est ça, c'est à peu près ça, 200 euros. Et un jour, j'avais oublié ma carte bleue. Et c'est un pote à moi sur Paris, je connaissais pas tant que ça, qui m'a dépanné de 100 balles en fait. Donc ça va, tu vois, il m'a dépanné. Et juste après, parce que j'avais besoin de liquide. Et après, ben, je suis allé lui rendre dès que j'avais ma carte. Quoi. D'accord, ouais, je vais stagiaire. Moi, j'ai prêté 50 euros au max. On me l'a demandé, je l'ai fait. Flo, les cadeaux, t'as prêté plus. Ouais, moi j'ai prêté plus, j'ai prêté 700 euros. Un mec qui était en découvert, un de mes potes, et qui était vraiment dans la merde si je lui donnais pas. Moi j'ai prêté 800. Et puis il m'a rendu après quoi. Ouais. Ah, il m'a rendu après aussi. Mais sinon ça le foutait dans et la merde. Et s'il rend pas, tu fais quoi? Non, j'ai prêté 1250. Ah ouais, mon meilleur ami, JC dans le sud et tout. 1200. Ouais, parce qu'en fait, il s'était séparé d'une meuf et il fallait qu'il paye un loyer d'avance et tout. Et il m'a dit je te rembourse en deux mois. En deux mois, je te donne la moitié et tout. Ça fout dans la merde. Et voilà, quand j'avais vendu ma voiture, j'avais acheté une moto, j'avais de l'argent, je lui dis tiens, à l'époque. T'avais confiance. Et oui, non, mais je le reprendrai. Et voilà, j'ai n'a pas la. Bah, décision. Tu vois, t'as pas sur Internet.